Ciao, et c'est fini pour ce soir. Là, rendez-vous dès demain sur Fun Radio. Merci de nous avoir suivis aussi sur le site de funradio.fr. On est filmé tous les soirs en étant en streaming. Ouais, on vous retrouve demain à partir de 20h avec le doc, avec Karima. Ouais, et avec toi. Ouais. Et on va retrouver Mickaël Nos Limites là maintenant. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va très bien. Oh putain, j'ai testé vos semaines. Eh mais oui, hier t'étais pas là. Oui, bah congé forcé, alors forcément du coup j'ai regardé autre chose. Et oh putain, fort hein, que bosser 4 jours semaine comme ça, c'est quand même le cul dans le beurre. Hein. C'est frais. Ah oui, bien sûr. Non mais attends. Enfin, je dis ça pour Karel parce que le doc et Karima ont un vrai métier aussi à côté. Mais... Non, mais le travail. T'as le cul dans le beurre, toi? Qui moi? Oui, toi. Non, c'est meilleur. Non, c'est comment? Bah écoute, hier j'ai eu. Il va se calmer le doc là. Ah, hier, on débarque, on est armés nous. Ah, ouais, attention les gars, attention, on rigole pas. Attention. T'es armé? T'es armé avec quoi? J'ai un fusil à pompe. Est-ce que t'as une grosse matraque? J'ai un fusil à pompe. Énorme. Bon, donc sinon ça s'est bien passé? Bah oui. Je suis un petit peu fatigué, l'ami. Bah je comprends. Ouais. Mais écoute, va te reposer. Hein, parce que bon là, quand même, dans 21h tu retravailles. La vie est dure. Ça va aller, ça va aller. Bon, ça va alors, très bien. Bon, de toute façon, si t'as un problème de fatigue, parle-en doc. Hein. Il y a peut-être des cachetons pour toi. Oui, hein. Sinon, je t'appelle. En parlant de ça, est-ce que je peux m'intervenir? Doc, j'ai un bouton dans la bouche. Tu pourrais venir m'examiner? Mais t'as embrassé où et quoi? Je l'ai fait à Cuny. En fait, c'est sous le palais. Sur le plancher de la bouche. Sous le palais. Sous le plancher de la bouche. T'as trop avalé, t'as mis trop profond. Ouais, d'accord. Merci, Doc. On l'a perdu lui aussi. Ouais, je pense qu'il a été. Contaminé. Non, mais bon, voilà, mois, je connais Christophe, donc maintenant c'est bon quoi. Ouais, mais là c'était Polo, donc lui il est plus c'est sympa. C'est qui Christophe? Et Polo. C'est pas toi qui parlait, c'était Polo. Christophe. Oui. Même non, ma mère justement. Ne m'appelle plus comme ça. Mais... Bon, ben, je vais t'envoyer Polo en consultation, doc. Ouais, vas-y. Et tu peux facturer, n'hésite pas. Ouais. Bon, ben, bonne soirée à vous en tout cas. Bisous, salut, à demain. Ciao. Salut, puis on est parti comme d'hab jusqu'à 2h. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Agathe également, moi j'ai réussi à coincer mon cul dans une chaise de grosse. De gosse, pardon. Ah. Ça va la gendarmerie? Faut cesser un petit peu les conneries, quoi. Oh, dis Patrick, dis donc. On peut faire ça la journée, mais pas la nuit. On nous laisse pas faire l'émission la journée, nous on demande pas mieux, mais on veut pas. On nous a dit hop, au placard, les gars. Mickaël Nos Limites, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exactement, et vous nous retrouvez aussi d'ailleurs sur Instagram et sur YouTube, tapez Mickaël officiel. Bonsoir, en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver là après les Fun Radio European DJ Awards hier soir. Eh ben vous nous aviez manqué après ce week-end de 3 jours forcés là, hein. Bah oui. Mais oui, on nous a obligés à partir en week-end. On nous a obligés à partir en week-end, du coup j'ai regardé How I Met Your Mother hier soir, j'ai terminé. Et contre toute attente, eh ben il y a des gens qui disent la fin c'est de la merde. Évidemment, j'ai pas balancé. La fin c'est de la merde, c'est nul. Eh ben moi j'ai trouvé la fin très très forte. Bon. Voilà, j'en dis pas plus, mais moi je me suis fait baiser puisque j'arrivais et en fait c'est pas du tout la fin à laquelle au sens s'attendait. Figuré, au sens bien figuré. Sûr, bien sûr. Et t'as un retournement là qui se passe et tout. Enfin, je vous en dis pas plus, j'ai peur de trop dire. Mais voilà, bon, pour ceux qui ont pas vu How I Met Your Mother, donc dernier épisode de la 9 ans d'attente hein, quand même. Hein, 9 ans d'attente, 9 saisons, donc voilà, l'affaire est dépliée. Donc quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, on est de retour. Et comme vous avez pu le remarquer, donc hier soir, nous n'étions pas là. C'était les Fun Radio DJ Awards. On est en tout cas nous ici présents tous les soirs de la semaine, 23h, 2h toute la semaine. On sera de retour évidemment dimanche prochain de 20h à minuit sur Fun Radio. Et il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. Et en plus hier soir du coup vous avez pu vous en rendre compte. Oui, c'est vrai. Bah voilà, il y a quelque chose à écouter le soir à la radio. Et il y a d'ailleurs avec nous Frédéric. Salut Fred. Salut à tous, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, tant mieux Fred. T'as passé un bon week-end? Ouais, ça va, bossé, mais bon week-end. T'as bossé, tu fais quoi dans la vie? Moi je suis dans la cuisine. Dans la quoi? Dans la cuisine. Ah, je croyais dans l'aspirine. L'aspirine. Ah, dans la cuisine, non, d'accord, ok. Quoi, tu vends style Xina, machin, là? Non, tu non, vends des cuisines équipées? Ah, d'accord, ok. Je croyais que tu vendais des cuisines. Non, je fais la cuisine. Moi. Ah, tu fais la cuisine. Bah, très bien. Il faudrait que tu passes nous voir. Ah oui, t'es à Lyon, ça va être compliqué, mais. Ouais, bah, après, bon, quand on passera à Lyon, on viendra manger, quoi. Ah, bah, c'est dans une maison de retraite, hein. C'est parfait. Tu seras pécho de Troisvieux. Voilà, non mais t'inquiète pas, nous on n'est pas dans le détail, hein, surtout Toff. Il y a du bon vin, il y a du bon vin. Ah bah c'est le principal. En même temps, Toff il prend ce qu'il y a et ce qu'il peut aussi. Hein. Oui, moi je fais avec ce qu'on me donne. Bon, c'est surtout avec ce qu'il peut quoi. Donc, mais il paraît que si t'enlèves le lentier, il paraît que c'est une sensation vachement sympa. Allez hop. C'est oh non, parti. Pas déjà. Ah, ah si, si, déjà. Oh, hop, voilà. Tof, je peux pas t'aider là-dessus. Ouais, la place, ça y est, il a déjà été viré pendant une minute de l'émission. On est tranquille, suspendu d'antenne pendant une minute. Bon, on parlera de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi Fred. Alors, de la télé-réalité. Ah d'accord, ok. Eh, hey, à Lyon, t'as pas senti de secousse? Non. Parce que la terre a tremblé dans le sud de la France, non, à Barcelonette. On en a eu une la semaine dernière, une secousse. Ah bon? C'est quoi, ouais. C'est Tof qui a pété? Non, ça on le sent tous les soirs. Mais bon, ouais, bah je te confirme. Alors là, qui dit tout, c'est nous qui sentons en premier. On a la primeur, nous. Hein. On a l'iPhone qui vibre quand on sent. Donc, hein. Ah, d'accord. Non, mais parce qu'il y a eu une secousse. Donc dites-nous si vous l'avez ressenti, non, si vous êtes dans le sud de la France. On a eu une info, mais là, on a juste entendu un coup de feu dans le quartier, mais c'est tout. Ah, un coup de feu normal, quoi. Ok, très bien. Bon, bah reste avec nous, ouais. Du coup. Hein, on va revenir dans quelques instants avec toi, évidemment. Donc pour passer à l'antenne avec nous, bah, vous faites par exemple comme Fred, hein, 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, le 02 850. 4x0 et on parle ensemble de ce que vous voulez. Ouais. Ah, attends, excusez-moi. Oh merde, ça y est, t'as fait de retour. Ça y est. Voilà, t'as fait de retour. Oh. Sandro, passe un bon week-end. Ouais. Un week-end plein de régime. J'ai commencé hier. Ouais, c'est ça, elle a commencé hier. Ouais. Mais. Attends, parce que j'ai pas mis mon casque. Bon, alors, mais quoi Non, mais parle. Non, parce que Sandro pense que le casque, elle le met, elle l'accroche. Elle l'a même pas branché. Elle l'a même pas branché. Parce que quand je parle sans casque, en fait, je parle sur tout le monde et je fais pas gaffe. D'accord. Bon, enfin, bon, alors parle. Alors, parle. À la cool. Dis-nous la vérité. En fait, je fais régime la journée, mais le soir, je me fais plaisir. Ouais, donc ça sert à rien. Ouais, aucun intérêt. Alors, non, le régime le plus inutile de la terre. Non, mais je me fais pas plaisir. Je vais pas manger des desserts de fou. Mais non, juste un quick, un McDo, pépère, quoi. Tu sais que c'est l'inverse qu'il faut faire, hein, c'est de faire plaisir le matin et. Ouais, mais je peux pas le soir, c'est pas possible. C'est ouais, mais enfin, le soir, c'est là que tu gardes. Enfin, bon, ça sert pas à rien, ça fait 10 ans qu'on lui répète. C'est le coup. Eh ben, c'est pas. Eh ben, arrête, eh ben voilà, eh ben tais-toi maintenant, c'est parfait. Bon, Tof qui du coup n'a pas pu faire d'appel hier, là. Non, je sors de queue. Voilà. Bah oui. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Bah, il a été la voir, hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Elle va bien. Ah bah du coup il en a profité, il a été voir maman pour faire le lavage de linge. Ah bah c'est ça, j'ai plus rien à mettre. Hein. Le repassage, la bouffe ce week-end. Hein, ah bah autant dire que le tour de taille est dans la merde. Non, on a respecté. Oh là quand même, ouais, très bien. Un petit peu de sauce, mais pas trop. Un petit peu, mais c'est bah, ça va. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Polo a eu une journée de plus hein, pour l'entraînement de l'armée des Doubs. Hein. Ouais, et ça c'est le principal. Et j'ai eu des problèmes gastriques à cause du régime là. Bah le oui. Full ananas et ma bouche est infectée en plus. Oh là là, trop de cunis. Non, trop d'ananas, ouais. Et trop de... T'appelles ça comme ça toi, ananas. Un ananas, j'aime bien le S. J'aime non, mais pour dire cuni, t'appelles ça un ananas. Non. Je vais te bouffer l'ananas. Ah bon. Non, le non, vrai ananas. Bah, écoute, non, d'accord. Mais par contre, sur les paquets d'ananas que Polo achète, il y a écrit, c'est quoi, pas de pitié pour les rondelles. Pour les rondelles. Alors on se demandait qui a écrit ça. Est-ce que c'est Ruquier? Est-ce que... Bah écoute, je sais pas, mais bon. Est-ce que bon. C'est Delanoé qui a écrit ça? Bah demain, on va pas les appeler si tu veux. On peut. Bon, il y a Olivier avec nous également de Brest là. Salut Olivier. Ouais, salut la famille, comment ouais, salut. Ça va bien et toi Olivier? Bonjour la Bretagne. Ouais. Ouais, bah la Bretagne, on embrasse la Bretagne et les Bretons. Et les Bretons. Non, surtout les Bretons, les Bretons sont fous, mais les Bretonnes. Ouais. Bah, elles sont jolies les Bretonnes. Ah oui, elles sont jolies les Bretons. Bah, évidemment. Les Bretons sont partageurs. Ah, en plus. Le Breton est agréable. Ouais, exactement. Et oui, c'est bien. Bon, Olivier. Ouais. Tu vas suivre l'équipe de France ou une autre cette année au Mondial 2014? Bon, je suis plus un peu pour. J'aime la France, mais bon, ils m'ont déçu au dernier mondial. Ah là. Oui. Alors, ouais. Du coup, tu vas suivre les Diables Rouges, t'as bien raison. Voilà, exactement. Eh ben, voilà. T'as bien raison. Bon, alors, du coup, je vais peut-être t'offrir un écran plat à 32 pouces Full HD. Ça peut être pas mal pour regarder le match. Ah, ouais, bah, sûrement, ouais. Ah, bah, clair. Tiens, je confirme. Ah, ouais. Bon, pour ça, il faut. Je suis assez fouté en plus. Ah, bah, en plus, bah, très bien. Bon, voilà. Pour ça, et du coup, demain, t'es pour le PSG ou pour Chelsea? Je suis plus pour Chelsea, tu vois pourquoi? Oh, ouais. Pourquoi? Ah, mais il est pas là, Zlatan, donc ça ira. Je l'aime pas. Ah, la base Zlatan. En Paris, quoi. C'est l'inverse de Zidane, quoi. Le mec, il joue bien, mais c'est pas. D'accord. Une plume au cul, je m'envole. Bon, voilà. D'accord, ok, très bien. Mais c'est ton avis, écoute, y a pas de problème. Mais j'aime bien Paris quand même, l'équipe. C'est déjà ça de prix. Bon, alors on y va, c'est parti pour gagner l'écran plat. Tu vas donc poser une colle à tous les auditeurs qui sont en train d'écouter la radio là. Et puis, bah, s'il y en a un qui trouve la bonne réponse et qui passe à l'antenne vers minuit 30 à peu près, et ben, il repartira. S'il donne la bonne réponse, il repartira avec l'écran plat et toi avec que dalle. Si en revanche, il ne donne pas la bonne réponse ou qu'il décroche pas, par exemple, à ce moment-là, tu gagnes, d'accord? Ok, ça marche. Allez, fais péter Olivier la colle de ce soir, on t'écoute. Je vais péter. Alors, quel est le meilleur filet de pêche au monde? Quel est le meilleur filet de pêche au monde? Voilà, quel est le meilleur filet de pêche au monde? Mais c'est une marque? Ah oui, ça, c'est la réponse, je l'ai. Et... Non, mais je me doute que t'as la réponse. Non, moi je me pose des questions, mais j'ai pas la réponse. Mais quand tu dis quel est le meilleur filet, genre c'est une marque? Ou c'est, non, pour pêcher le filet qu'on met à l'eau en bateau pour pêcher. N'en dis pas trop. Ah ouais, parce que c'est un breton, hein, ça le connaît la pêche. Ah d'accord, ouais, quel est le meilleur filet au monde pour pêcher, quoi? Bon, d'accord. Bon, si vous avez une idée, moi j'ai aucune idée, mais allez-y, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Je viens de vous mettre la colle là sur le Facebook de l'émission, donc vous pouvez aller répondre hein, sans problème et la lire également, hein, des fois que vous l'ayez peut-être pas bien compris au premier coup, au premier abord. Hein, donc facebook.com/mikaelofficiel et vous pouvez aussi répondre par SMS, envoyer Mikael et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Bon, bah du coup, Olivier, on te récupère tout à l'heure. Ouais, ouais, pas de problème, mais j'ai donc la réponse plus la conclusion, parce qu'il y a la réponse et il y a, bah, y a la signification aussi. Pour moi, c'est la chose que je vais répondre et le meilleur filet de pêche au monde. D'accord, voilà. Ok, très bien. Bon, voilà. Bah écoute, on espère que tu as l'explication. Je suis curieux de la réponse. Donc, facebook.com/mikaelofficiel, quel est le meilleur filet de pêche au monde? Bon, bah tout à l'heure, Olivier. Voilà, tout à l'heure. Ouais. Très bien. Tiens, et alors, Frédéric, t'as envie d'écouter un son ce soir ou pas, toi? Un son en particulier. Un truc qui pète. Alors, tu me laisses le choix. Alors un truc qui pète et que j'adore, c'est ça. Voilà. Ça fait très funky, mais j'aime beaucoup. Ouais. Allez, un truc funky pour faire honneur à Lyon. Ouais. Sinon, il y a aussi Stadium Mix que je vais te passer là. Avec Howl at the Moon. Et puis un autre son que j'aime bien aussi là, c'est ça, je vous le passe dans quelques minutes. Major Lazer et Shana Paul avec Come to Me. Ça va, c'est bon ça en termes de. Ouais. Bon bah très bien. Bah écoute, parfait, alors impeccable. Et toi Alexandre, t'as envie d'écouter un son particulier ou pas? Non, pas trop. Non, pas trop, d'accord. Okay. Ah mais t'as Barcelonnette toi alors, il s'est passé quoi là? T'as eu des secousses ou pas là? Oh ouais, j'ai senti la secousse, les frissons de partout, j'en peux plus là. Non. Alors explique un petit peu là, t'étais où? T'étais dans ton lit, t'étais où? Bah ouais, j'étais dans mon lit sur Facebook et là j'entends un putain de grondement, ça fait comme ça. Et là, il y a mes tiroirs de bureau qui se cassent la gueule, l'armoire aussi. Ah, carrément. Horrible. Parce qu'apparemment c'était sur le sur l'échelle de Richter, c'est 5. Ah ça c'est violent. Et puis après il y a eu l'évacuation de tous les bâtiments. Oh. Ah bon, putain, moi j'en ai vécu un tremblement de terre un jour, mais j'étais petit, hein, je devais avoir 6 ans, un truc comme ça, et c'était en pleine nuit. Donc je dors, puis tout d'un coup je vois le mur trembler. Sérieux, j'entends tout tremble. Et je me dis, ouais, tu sais, je me réveille. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu sais, ça, c'était super court. Donc je me dis, bah, j'ai dû rêver, tu vois. Et puis le lendemain, ouais, tremblement de terre, machin, tout. Je me suis, putain. Moi, j'ai cru vivre un tremblement de terre, c'était pas possible parce que j'étais en banlieue parisienne. Et en fait. C'est pas possible. Attends, mais ça fait une grosse. C'était super violent. Et après, j'ai appris. C'est tough, c'est un non, fait, c'est non, ça. Non, mais c'est sérieux. C'est un mec qui est complètement con qui a pris les bouteilles d'oxygène, tu sais, pour les trucs. Ça a pété. Il les a mis dans une espèce de sac et en fait les éboueurs en fait sont pas vus, tu vois, et donc ils ont vidé ça dans le truc et avec la pression que ça met, ça a pété. Ça a pété, mais tu verrais la violence du truc. Tu m'étonnes. Ah mais t'as pas l'air bien toi en plus là du coup là, Alex. Oui. T'as pas l'air bien toi avec le tremblement de terre. Non, je suis pas trop rassuré là. Ah bah t'as eu les boules toi, j'imagine. Bon, ouais. On va reprendre dans quelques minutes. Tiens, reste avec nous, Alex. Est-ce que vous avez déjà vécu un tremblement de terre ou je sais pas moi autre chose hein, quand vous étiez en France, en Belgique ou en vacances en fait? Le tsunami. Non, bah j'espère pas. En même temps, s'ils ont vécu un tsunami, il y a peu de chances qu'ils soient plus là. Hein. Ah si, moi j'ai une copine qui a vécu ça. Ouais, elle mais il y a quand même peu qui survivent au tsunami. Elle était en Thaïlande, mais elle a vu, enfin puisqu'elle était à côté. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais vu, ça les a pas. Je suis d'accord. Bon, bah en tout cas, dites-nous. On va s'écouter le son de Major Lazer dans quelques minutes avec Sean Paul. Ce sera Come to Me. Et puis vous nous appelez, hein, d'où que vous soyez en France, en Belgique, ça marche. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Yannina qui dit, ça me fait trop flipper un tremblement de terre là sur Twitter. Bah tu m'étonnes. Et Xavier sur le Facebook, sur l'application Mickaël No Limite qui dit, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué hier, je vous embrasse tous. Et allez hop, encore une bonne soirée. Merci pour tous vos messages. Et alors un petit message aussi qui est arrivé. Où est-ce qu'il est celui-là? Bah je l'ai perdu. Tant pis, c'est pas grave. Ah voilà, il y a Geoffrey qui dit, mon père me coupe internet à 23h, je peux jamais tweeter mais j'écoute quand même. Oh bah très bien. Salut. Bon bah merci Geoffrey, en tout cas merci d'écouter, c'est le principal. Allez, restez sur Fun Radio, il y a la colle dans quelques minutes. Major Lazer avec Come to Me et on se fera les appels de Toff juste après. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio, 23h16. Allez, vous balancez encore vos messages. Facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Aurore qui dit coucou, nous les tremblements de terre dans les Pyrénées Atlantiques. Il y a eu au moins un par mois. La dernière, c'était hier. On a eu les lustres qui ont tremblé. Ah ouais, je savais pas, c'est vrai qu'il y en avait tant. Il y a Noé sur l'application Mickaël No Limit qui dit love Mickaël No Limit. Je vous écoute depuis, même depuis la Thaïlande, lol. Putain, c'est cool ça, Thaïlande. Mais en plus, il est super tard là, il y a 6 heures de plus. Ouais. Qu'est-ce que tu fous debout à cette heure-là, dis donc, toi. Il y a un petit bienvenue pour moi. C'est Tony le Panini. Eh ben très bien, le Tony le Panini. Bon, j'aurais bien voulu effacer le message, mais malheureusement, mon clavier ne marche plus, ce qui va encore être une soirée très pratique. Ah, il y avait longtemps. En même temps, plus rien ne marche. Il y a Jojo également qui dit, vous m'avez manqué hier, Mickaël et toute l'équipe. Ben, on est de retour, vous nous avez aussi manqué, je vous le rassure directement. On va parler tremblement de terre encore avec Alexandre, puisqu'il y en a eu un ce soir, là, à Barcelonnette, dans le sud de la France. Frédéric également, avec qui on va parler. Et puis, vous toutes et vous tous, hein, venez, venez. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va parler vidéo également dans quelques minutes, puisque je vous mettrai à dispo une nouvelle vidéo. Ah. On a l'occasion de faire. C'était au ski quand on avait été à Orcières 1850. On avait fait la descente avec le bowling géant. Oui. Voilà. Pour ceux qui étaient pas là. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous raconte ça dans quelques minutes. Et vous allez pouvoir aller voir la vidéo aussi dans quelques minutes. Je vais vous mettre le lien sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Soyez toutes et tous les bienvenus si vous venez de débarquer sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limite. On est là 23h, 2h tous les soirs de la semaine et tous les dimanches également de 20h à minuit. On revient après Major Lazer et Sean Paul Come to Me sur Fun Radio. C'est Fun Radio avec Major Lazer, Sean Paul à l'instant, Come to Me. Il y aura Stadium X à suivre avec All at the Moon. Et puis je vous parlerai tout à l'heure avant minuit, comme promis, le son très funky de DJ Cassidy. Voilà, Calling on Earth, je vous le passe tout à l'heure avant minuit, restez bien là. Et puis comme tous les lundis aussi ce soir, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Qui passera tout à l'heure. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Casque DJ a gagné. Les casques qu'on vous offre donc toute la semaine. Et on a aussi des écrans plats bien entendu à vous offrir toute la semaine. Il y a Move YouTuber sur le Twitter qui dit voyage en Espagne en train de faire écouter Mickaël à ma famille espagnole. Hola, ¿qué tal? Je devrais comprendre. Chupa hein. Corones. Mi corones, caray. Ah non, caray, c'est des. Eh verdad. C'est un mot qu'on avait appris avec un pote espagnol qui n'arrêtait pas de dire ça. Que rico, es verdad. Es verdad. Et alors Elouen aussi qui dit coucou, vous manquez en train de mettre mon cours de maths sur ma calculette pour le contrôle de demain. Ah bah bravo Elouen. Il va également. Ah il va être bien le contrôle. C'est possible d'avoir un message de bienvenue, bah si tu veux. Tu sors de queue. Voilà Tony. Il y a Hugo Rio, ça fait du bien de vous écouter, la détente totale. Ouais, on est à la cool. Dilek également, j'ai vécu un tremblement de terre horrible. Bah dis-nous en plus Dilek. Et Marius aussi, j'habite pas loin, je me suis pissé dessus, mes placards ont tremblé à mort. Et puis Pierre également qui dit je suis à Grenoble, j'ai eu le tremblement de terre aussi. Ah ouais, bah oui, bah Barcelonnette c'est pas très très, enfin pas très très loin, oui c'est pas très très loin dans l'idée. Bon, on va parler également de la colle avec Olivier dans quelques minutes. On va aussi parler avec Toff, puisque bah, jeudi on parlait de Cameron Diaz. Oui, qui disait toujours tout le plus intelligent. Exactement, Cameron Diaz la semaine dernière qui disait que toutes les femmes avaient des tendances lesbiennes. Oui, on l'avait appelé des gens, on leur avait demandé, ça s'était mal passé, tu t'es fait insulter comme d'habitude, enfin bref, normal. Voilà, et bien ce week-end elle a encore fait une belle déclaration en disant que si les femmes avaient des poils autour du vagin, c'est qu'il y avait une raison et qu'il ne fallait donc pas les enlever. Ah bah oui. Ah bah oui. Voilà, il ne fallait pas découvrir ce que Polo appelle l'ananas, apparemment. Donc il ne fallait pas découvrir l'ananas. Ouais, il faut pas enlever le poil. Exactement. Donc je voulais vos avis les filles, hein, est-ce que vous laissez vos poils et pourquoi? Et puis bah nous on va appeler dans quelques minutes avec Toff. Si vous avez des numéros de téléphone d'ailleurs à proposer à Toff, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir. Évidemment, de gens très sympathiques comme celui-là. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Par exemple, eh bien n'hésitez pas sur le mail de Toff, envoyez les numéros de téléphone de gens sur donc toph@funradio.fr. Voilà, tout est dit, il y a Frédéric avec nous maintenant. Ouais. Là Fred, t'es toujours là? Ouais, toujours là. Bon, toujours alors, est-ce que tu préfères les filles avec des poils ou sans poils au niveau du vagin? Quand on dit avec, on parle pas forcément de la forêt vierge. On dit juste que ça peut être taillé, rasé, ce que tu veux. Ouais, propre. Oui. Mais est-ce que tu préfères sans rien ou est-ce que tu préfères avec? Peu c'est importe la longueur. Rien. Après, c'est propre, si c'est propre, ça passe, mais c'est mieux sans rien. Mieux sans rien. Ça dépend en fait de la morphologie de la chatte. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des chattes qui méritent quand même d'être recouvertes d'un peu de poils. Parce qu'elles sont pas belles. Oh oui, mais bon après. Bon, en même temps, c'est pas très très beau non plus. Hein. Non, faut pas dire les choses. Enfin, genre le sexe d'un mec c'est moche, mais le sexe d'une fille c'est pas super beau non plus. Non, mais faut être honnête quand même. Tu vas pas dire waouh! Ça peut. Ouais, enfin bon. Allez, soit. Tu trouves ça beau toi ou pas, Fred? Bah après, faut juste savoir s'en servir. Hein. Oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. Mais après, là, une fois que t'es dedans, genre t'habites, elle a pas un œil. Hein. Oui, non, bah c'est ça, voilà. Donc dites-nous, donnez-nous vos avis, les filles et garçons, là. Appelez-nous maintenant, on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, Fred, on parle de quoi, toi, avec toi, dis donc, le lien? Alors, de la télé-réalité. Ah, la télé-réalité. Ah. De quoi on va parler de la télé-réalité? Un sujet tellement sympathique. Parce que du coup, j'ai été pris pour une télé-réalité qui sera faite en septembre qui est tournée à Lyon. Ah bon, c'est quoi? Je peux pas dire. Enfin, je peux dire le nom, mais après, je pourrais donner quelques détails, mais pas tout non plus. Les Lyonnais au marché. Non, c'est en fait, c'est un coaching. Les Lyonnais à Hawaï. Non. C'est un coaching pour trouver l'amour, pour pas repartir célibataire. Comment ça, un coaching pour trouver l'amour? Une émission sur M6 qui s'appelle Coaching Express, qui sera en mois de septembre. Ah bah oui, mais comme ils ont perdu les caméramans de Pékin Express, maintenant ils font Coaching Express. Ouais, c'est ça, ils sont obligés de faire, ils sont au moins ici, ils sont sûrs, ils les perdront pas. Ouais, bon, ça reste à voir, mais normalement, ouais. Bon, et ça consiste en quoi? Donc du coup, tu t'es coaché par des mecs et des meufs qui gèrent, soi-disant. Ouais, voilà, c'est ça, et du coup, en fait, t'as un relooking complet, donc ils te suivent 24 heures sur 24 pendant 3 mois. Donc sous-entendu, t'étais moche, quoi. Bah, c'est ce que je comprends, s'ils te relookent complètement, non, ça sert à rien. Après, non, c'est dans le but de l'émission pour trouver, pour pas repartir célibataire, quoi. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc après, ils vont te présenter à des prétendantes, et du coup, après, t'auras directement. Et t'as déjà pécho, toi? Pas encore, mais là, on est qu'au début du tournage. Là, on commence le 24-24 le mois prochain. Ah, donc ça veut dire qu'après ils vont venir chez moi, ils vont venir là où je bosse, partout, ils me suivront partout. Eh ben passe à la radio, comme ça on passera sur M6. Bah oui, on sera bien. Ah oui, t'as qu'à dire. Ah oui, franchement, c'est pas un bon plan ça, tu passes à la radio avec l'équipe, ils viennent, on te donne des conseils de merde, et puis après t'as la coach qui va. Et comme ça elle pourra même donner son avis sur la tête de Toff. Est-ce qu'il faut ravaler la façade ou pas? Il aura peut-être un coup de pelle, hein, donc. Ah oui, ah bah pourquoi pas, tiens. Le coup de pelle est toujours à disposition. Après je te donne un indice, l'animatrice c'est Karine Lamarchand. Oui, bah justement, elle peut revenir, elle peut marchander. Oui, elle peut venir marchander, donc, en plus elle est célibataire elle, en ce moment. Qui présentera l'émission sur M6. D'accord. Près de son ananas. C'est ça, ouais. Non, mais elle peut venir. Oui, oui, bah bien sûr, tu peux venir sans problème. Dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà fait des télé-réalités. Toff, il a voulu participer, il s'est fait jeter. Oui, en même temps, il y avait un peu de chance que je sois pris, hein, c'est vrai. À part dans moi, j'ai fait ça comme ça, hein. J'ai envoyé ma candidature comme ça. Oui, bah voilà, ouais. Mais Toff, c'était quoi que t'avais essayé? J'avais essayé la nouvelle star. Ah oui, la nouvelle star. J'avais essayé la nouvelle star, et en fait quand t'arrives et que tu fais la file, il te donne un pavé qui doit faire à peu près 30 pages pour te dire que si tu travailles dans n'importe quel média, t'as pas le droit de participer, voilà. Sous peine de poursuite, de mise à mort, de te brûler sur le bûcher. Donc du coup pas Toff, de te faire pendre sur la place principale. Non mais ouais, c'était pas loin quand même. Après bon ouais, ça m'a fait un peu flipper, mais j'imagine les mecs qui vont là et qui n'y connaissent rien, ça devait vraiment les j'imagine. Le truc qu'ils te donnent, c'est-à-dire que tu te vends corps et âme, hein. Bon bah dites-nous si vous avez déjà fait la télé-réalité aussi, là on va en parler là. Et toi tu nous appelles pourquoi en fait? Juste pour nous l'annoncer ou t'as des questions en particulier? Bah après s'il y avait quelqu'un qui avait fait un témoignage, bah qui parle, puis j'avais qui parle, ouais. Oh, qui voilà, parle maintenant ou qui se taise à jamais. Bah oui, non, bah t'as raison. Bon voilà, reste avec nous du coup reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes, d'accord? Ouais, okay. Bon bah très bien, bah reste là, dites-nous si vous avez déjà fait la télé-réalité là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Claude avec nous là, salut Claude, 34 ans de Millau en Aveyron, comment ça va? Oui, salut Mickaël, ça va? Oui. T'as 34 ans Claude? Ouais. Bon, t'es né en quelle année? Ah, 1980. Oh, pas mal. Ah, il a travaillé son sujet, c'est pas mal, enculé. Pas mal, pas mal. Il a peut-être un problème de corde vocale. Oui, c'est vrai. Bon. Attends la suite. Bah, tu fais quoi dans la vie, Claude? Ben moi, je travaille dans des bureaux de l'immobilier, de l'agence immobilière de Millau. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Claude, 34 ans? Bah, en fait, j'ai un problème avec ma copine. C'est qu'elle n'ose pas se passer à l'acte, en fait. Mais t'es déjà marié? Bah non, je suis pas mariée. Ah, je sais pas, comme t'as 34 ans, tu vois, tu pourrais, hein. Ouais, tu pourrais, tu vois, normalement les gens à 34 ans ils sont mariés au moins. Elle a quel âge ta copine? Elle a 13 ans. Quel âge? Mais t'es un pédophile, Claude. Ça se fait pas. 34 ans, elle a 13 ans. C'est normal qu'elle veuille pas passer à l'acte. Bah je sais pas, moi je trouve ça normal. Non mais... Alors de deux choses l'une. Ou... Non, de trois choses l'une. Hey. Ou t'as pas 34 ans, ou elle n'a pas 13 ans, ou... Ou t'as un vrai problème. Bah si. Si, non. Ça, non, ça c'est pas la question que je t'ai posée. Ouais, je t'ai donné des trois propositions et le si n'est pas une réponse valable. T'as 14 piges, Bon allez, en vrai, t'as quel âge? Bah j'ai 34 ans. Non, parce que tu nous dis que t'as 13 ans, on va pas te raccrocher au nez, t'es le bienvenu, hein, c'est pas grave. Ah oui. Et bon. Tu es hindou, hein. Nous on aime bien, en plus t'es hindou, tu pourrais faire partie de la famille des doux avec Polo de l'armée des doux. Non mais j'ai vraiment 34 ans. 34 ans, et t'es né en 1980, mais quel mois là? C'est bientôt ou pas l'anniversaire? Bah le 1er juillet. Ah c'est le 1er juillet, ah bah très bien, écoute, bah bon anniversaire en avance alors. Oh mais merci beaucoup. Bah écoute, bon, avec plaisir. C'est un peu beaucoup en avance. Bah ouais, bon alors du coup tu nous appelles parce que ta copine ne veut pas passer à l'acte. Oui, voilà, c'est ça. C'est normal. Eh ben, ouais, écoute, à son âge, oui, c'est normal. Hein. S'il a 13 ans et que toi, t'en as 34, effectivement, c'est normal. Bon, Claude. Oui. Bon, je te laisse une chance de nous donner ton vrai âge. Bon, allez, je l'avoue. J'ai 14 ans. Voilà. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. C'est genre, on l'avait pas capté. Je l'avoue. Oh là là. Bon, on te récupère là, Claude. La bouge pas de là. On va faire les appels de Toff également. Et on écoute Stadio Mix maintenant. All at the Moon sur Fun. Bienvenue tout le monde. Hello. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs, 23h33. Message qui est arrivé qui dit: j'ai encore jamais eu de message de bienvenue, je peux en avoir un bien hard. Ah oui, j'en ai un pas mal là. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Voilà, Yannès sur le Twitter qui dit: pété rire, il m'a tué le clone, on va le récupérer là. Pauline qui dit: un coup de pelle sur Toff là, continuez comme ça, vous êtes au top. Dédié à ma Clarisse que j'aime. Eh ben, le coup de pelle est passé. Mystique qui dit: une chatte reste une chatte, elle fait toujours miaou. Et alors Giovanni aussi qui avait lancé un message que je ne peux plus lire puisque tout s'est arrêté. Bon, eh ben, je le lirai tout à l'heure, c'est pas grave, il n'y a plus de message pour l'instant, je vais les récupérer après. On fait les appels de Toff du coup maintenant, hein. Mais oui, alors grâce à Cameron Diaz qui est une... Ah, oui. Elle nous en donne des plans là. Ah bah ça, c'est-à-dire que bientôt on ne regardera plus que ce qu'elle dit, on peut faire un appel toutes les semaines avec. Alors franchement là on est au top. Hein. Bon du coup Cameron Diaz qui a encore sorti un truc, une déclaration en disant que si les femmes avaient des poils autour du vagin, c'est qu'il y avait une raison et que donc il ne fallait pas les découvrir. Autant dire que chez elle, à mon avis, ça doit être quand même violent. Ah oui, c'est... Enfin, surtout à son âge, quoi. Si elle applique ce qu'elle dit, hein, évidemment. Donc on appelle des gens grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et puis bah, on voit comment ça se passe. Tu vas leur demander si leur femme s'épile ou si elle s'épile, si, oui, sur une femme. Si elle garde ou pas les poils, quoi. Oui, voilà, c'est ça, en gros, effectivement. Oui. Allez, hop, c'est parti, on y va. Premier appel maintenant. Oui, oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bon, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme gardait ses poils. Oui, oui, elle les garde, elle est même avec la vôtre. Elle est avec ta vôtre, elle est en train de se les épiler. Au revoir. Ah bah, donc elle les garde pas, monsieur. Allô? Ah, oui, non, mais je pense qu'il a pas bien compris la question, mon avis. Ah bah, faut la lui reposer. Bon, bah, attends, on va lui reposer. Alors, c'est reparti, on y retourne. Oui, allô monsieur, je m'excuse, mais si elle se les épile, alors ça veut dire qu'elle les enlève? Oui, ça veut dire qu'elle les enlève, je vous dis, elle est en train de les enlever avec la vôtre. Salut mec. Ah oui, il s'enlève avec la vôtre à part. Salut mec. Bon alors attends, on rappelle. Il est rapide le garçon. Ah, il est très rapide, ouais. On va pas faire une grande discussion avec lui je pense là, mais bon, on verra. Faut avoir les couilles d'appeler avec ton numéro garçon, salut. Oh putain, t'as même pas le temps de dire bonjour quoi. Bon attends, on rappelle. En même temps, on peut pas appeler avec ton numéro, sinon on le ferait. Mais ils sont bloqués ici à la radio. Bon. Couillu le garçon, il est pas couillu hein. Mais je m'excuse, mais je peux... Allô. Ah ouais, non, on y arrivera pas. Oh là là, quel relou. Bon allez, encore une fois, puis après on laisse tomber. Il est plus rapide que toi. Ouais, ah ouais, là pour le coup, effectivement, ouais. Elle est tendance homosexuelle, elle est avec la tienne, salut. Oui, allô. Ouais, bon bah laisse tomber, on n'arrivera jamais. Quel relou. C'est con parce qu'il avait l'air gentil hein. Ouais, il avait l'air bon esprit en plus. Ah, il y avait moyen de faire des trucs, je pense. Il y a Giovanni donc qui disait c'était en 2004, j'avais 6 ans et j'ai sauté toute seule, mes parents me croyaient pas et un bâtiment s'est écroulé en deux à Mulhouse. Non, ah, je savais pas ça. Paul PC28, c'est Vernim, niveau 5 sur l'échelle de Richter ou Richter, lol. Yeah, Richter. Richter. Richter. C'est le seul de Richter. C'est non, comment tu l'as dit alors de Richter ou Richter. Oui, c'est en Allemagne. Ah. Il y a Mystique Iliétov qui se fait clouer le bec alors que l'émission commence. Ça se voit que c'est le début de la semaine et qu'il était en manque. Hein. Ouais, ah bah, ça m'a manqué. Hein. Ouais, ça, je confirme effectivement. Ça y est, je vous ai mis la vidéo du bowling humain là qu'on a fait hors hier 1850. Vous pouvez aller voir. Hein. Thomas qui dit mort de rire la vidéo du bowling humain. J'espère que Toff a eu mal dans sa boule de plastique. Oh, t'inquiète pas, ouais, il a souffert comme il fallait. On l'a démonté. comme il fallait. Le plus dur, ça a été la première descente. Ah ouais, j'imagine. Et non, la première, oui, la première était violente. Surtout que moi, je t'ai récupéré un moment sur ma gueule, sur le casque. Je sais pas si on verra, mais je l'ai bien pris cher pour le ouais, coup. Ouais, aussi, on entend bien. J'espère. Bon, bah, en tout cas, allez voir facebook.com/mikaelofficiel. Et puis, allez voir aussi la vidéo où on fait le test de la drague grâce à Adèle, un autre auditeur qui nous avait proposé de tester ces trois solutions pour essayer de draguer. C'est bien, on est quasiment 100 000 là, en une semaine. Donc, c'est bien. Continuez à faire passer le message autour de vous, à vos amis, qu'il se passe quelque chose sur Fun Radio et surtout sur la chaîne YouTube de l'émission. Vous tapez Mikael officiel, vous vous abonnez à la chaîne et puis comme ça, vous verrez tout en exclu total. Bon, retour avec Fred qui est de retour là, Fred de Lyon là, ouais. Avec sa télé-réalité. Toujours là. Toujours là, très bien. Et attends, parce qu'on peut demander aussi à Claude, comme il est 34 ans, Claude, là, t'as déjà fait de la télé-réalité ou pas? Oui, toujours pas. T'as fait de la télé-réalité dans quoi? J'étais le bachelor, c'était moi. Ah, écoutez, maintenant, il a pris une voix d'homme. J'étais avec Nabila et tout ça. Là. Ah, t'étais avec Nabila. Tu l'as serré ou pas, Nabila? Tu l'as pécho, ouais? À plusieurs reprises. Ah, carrément. Oh, il est bon là. Oh là là. Ah, t'es balèze. Ah, toi, t'es bon. Non, mais allô, quoi. Ah, t'es bon, toi, Claude. Hein. T'es un beau gosse ou pas? Mais c'est pas bien, t'as trompé ta copine de 13 ans alors. Ouais. Ouais, mais comme un pouf, faut que j'enferme dans ma cave. Oh. Hey, il se la ramène là, Claude. Bah, tu vas rester au placard 2 minutes, t'applaudes. Bon, il y a Camille avec nous maintenant. Salut, Camille. Salut tout le monde. Comment tu vas, Camille? Oh, quelle jolie voix, Camille. Oui, Camille, tu as quel âge? Je suis dans quelle ville? Eh bien, j'ai 24 ans et je suis du 95. Je dirais pas le nom de ma ville parce que ça craint grave. Mais... Très bien, d'accord, ok. Eh, tu serais le chef de l'équipe qui habite par là aussi. Représente le 9-5, Camille. Eh oui. Bon, alors Camille, toi, ouais. Tu nous appelles par rapport... Je suis aux alentours d'Hermes-aux-Bonnes, Sannois. Ouais, et alors? La Frette sur Seine, vous connaissez cette ville? Ah bah oui, je connais la Frette, c'est un peu plus loin. Il passe là-bas en RER. Avec sa voiture de fonction. Il n'y a pas d'erreur. En fait, c'est l'espèce de campagne, c'est un peu bourgeois là-bas. C'est ça. Ah d'accord, ok. Bourgeoise en fait. C'est d'accord. Ça, bien avec Paul. Eh ben, c'est bien. Non, bon, tu m'envoies ton numéro de téléphone. Oui, oui. Je cherche où loger. Camille, toi, tu voulais réagir à Fred, toi, qui va faire la télé-réalité. Il va démarrer sur M6 bientôt, là, une nouvelle émission qui s'appelle comment? J'ai oublié, Fred. Coaching Express. Oui, Coaching Express. C'est pour te dire à quel point la télé-réalité, je suis le taquet de la télé-réalité. Hein. Coaching Express. Je suis pas trop au taquet non plus. Hein, bah, t'as fait quoi, toi, en télé-réalité? Ah bah, moi, je fais que Bachelor et ça s'arrêtera là. Hein. Ah, bah, c'est déjà pas mal, Bachelor. Et alors, il s'est passé quoi dans le Bachelor? Ah, bah, ça galoche, hein, ça galoche. Ah, ça galoche. Mais voilà, alors, raconte un petit peu. Il n'y a pas d'enfant de 13 ans, mais. Non, bah, j'espère. Mais il n'a pas 13 ans. Attends, hé, Claude. Claude. Oui. T'as quel âge encore, là? Parce qu'il y a Camille, elle n'a pas entendu. 34 ans. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est vrai. Genre, il se vénère. Voilà. Non, mais t'as raison, mais c'est parce que moi, je me souvenais plus et Camille se posait la question, donc attends 2 secondes, Claude. Bon, tu vois, Camille, il y a personne de 13 ans ici, je vois pas de quoi tu parles. D'accord, bon, voilà. Ok, alors je me suis trompée. Bon, j'ai fait télé-réalité, je dis n'importe quoi. Et le bachelor, t'es passé quand alors? Eh bien, c'est passé en ce moment. Moi, j'ai refusé la rose il y a 2 semaines. Ah non. Et en ce moment. Ah oui, attends, parce qu'on m'avait foutu le son en plus, c'est vrai ça. Attends, je l'avais là, quand tu l'as viré. Je suis assez mitigée. Ah, t'as pas la même voix. Ah bon? Bah non, alors attends, on la remet. Dis un peu, je suis assez mitigée. De quoi? Dis un peu, je suis assez mitigée. Je suis assez mitigée. Si ouais. Paul me promet un tête-à-tête et qu'il me dit que... qu'il me consacrera beaucoup plus de temps, qu'il apprendra à me connaître et qu'il me laissera le temps de le connaître, je pense accepter la rose. Mais il est con, pourquoi il s'arrête? Maintenant, je peux rien te promettre. Si j'ai envie de te donner cette rose, c'est que j'ai envie d'en savoir plus. C'est une invitation. Est-ce que tu acceptes cette rose? Non, malheureusement, je n'accepte pas. Oh la salope! Non, t'as eu raison, Camille. Non, c'est pour rire. Non, mais c'est pour rire. T'as bien fait. Je sais même pas à quoi il ressemblait, le mec. Il ressemble à quoi? Il est pas très beau. Un hein. Yeti. Un Yeti. Ah, bah, comme Polo. Il est plein de poils. Non, j'ai moins de poils que lui. Eh, hey, mais Camille, c'est vrai que moi, je t'ai regardé un peu, mais j'ai fait des choses dont la morale ne peut. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que pour moi, t'étais une des plus belles. Hein. Oh, non, c'est véridique, oh, c'est véridique. Mais non, mais parce qu'elle habite à côté de chez toi. Non, parce que tu te trouves quoi? Je me trouve gonflée, je suis toute gonflée, je sais pas pourquoi. Ah bon? Ça doit être la déprime. Oh, mais vous pouvez être déprimée, Camille. Oui, c'est pas grave, c'est une télé-réalité. Je m'ennuyais tellement, vous vous rendez même pas compte. Ah bah non, on se rend pas compte, non? Mais elles étaient ah pas. Ah, quand je refuse la rose, c'est que j'étais au bout de ma vie. Hein. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait hein. Ah oui, ah, d'accord, ok. Ah, donc t'es passé il y a pas longtemps. Alors, et du coup, Fred, si t'as des questions à poser, bah profite-en, elle sort d'une télé-réalité avec Camille. Là. Ouais, donc du coup, elle l'a vécu comment après ta sortie, toi? Ma sortie, j'ai dormi une semaine après. Voilà, et ben là elle est aux antidépresseurs, hein, donc tout va bien, quoi, c'est génial. En fait, le tournage c'était au mois de juillet, donc ça fait très longtemps. Ouais, j'ai ah oui. de m'en remettre quand même depuis. D'accord, heureusement. Mais c'est la médiatisation, hein, franchement, si on fait n'importe quoi, c'est chaud. Moi ça va que les gens m'aiment bien, mais moi quand même, on m'arrête dans la rue, et à savoir que c'est que Bachelor, quoi, et que ah c'est oui. pas non plus regarder des masses, donc attends, parce que, va être super critiqué. Et maintenant tu vas te faire arrêter par Polo, il va dire hey, mademoiselle, non, t'as fait le Bachelor. Il va faire tour du 95 pour te retrouver. Ah ouais ouais. Et on avait l'impression que t'avais un conflit avec toutes les meufs, toi. Ah bah pas du tout. Non. Ah non. Ah bon. Ah non, moi j'aimais tout le monde, moi. Non mais elles, les autres filles, non. Ah bah ouais, je sais pas. En fait, la... c'est les ou alors la... la merde surtout. La prod a fait en sorte qu'on avait l'impression que t'étais un peu arrogante. Hein. Ah bon? Ah bah c'est ce que j'ai ressenti. Il doit pas chez moi, dis donc. Ils ont essayé de me faire passer pour une jalouse. Oui, c'est ça. Ah oui, mais voilà. Ouais, c'est ça. C'est ouais. juste que j'avais de c'est la comme la Martika là, ou je sais pas qui. Bah dites-nous les autres, si vous avez déjà fait d'autres télé-réalités là. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bah merci beaucoup Camille d'être passée en tout cas. Bah viens nous voir. Merci à vous. Oui, bah passe nous voir le cas si tu te fais chier un soir, n'hésite pas. Il y a pas de souci. Ouais, bien Lyon aussi, ouais, bah ouais. Non mais tu peux passer Fred aussi, hein. Y a pas de problème. Non, non, Camille. On ne prend pas que les filles. Tu pourras même tasser à côté de Polo. Non, Camille. Non, c'est la place de. Sandro, hein. C'est du luxe. Oui, mais je parlais pas à toi, Fred. Je parlais à Camille. Ah oui, viens Camille. Bien sûr. Allez, bah vas-y. J'arrive. Eh bah viens. Tu peux. Nous on est jusqu'à 2h, donc tu peux passer quand tu veux. Y a pas de problème. Ah non, mais bah maintenant. Je viendrai avec Karim. Bah voilà. Ah bah non, tu fais comme tu veux, Camille. Je suis dans mon lit. Vous êtes gentil. Bon allez, Camille. Fais des gros bisous quand tu veux, à bientôt. Bisous, bonne soirée. Salut, ciao à toi Camille. Allez, on revient dans un instant, là, bougez pas de là, on va se mettre le son de DJ Cassidy. Yeah, yeah, ça va être Calling on Earth sur Fun Radio. Il y a le Chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer. Et la nuit sans pub, c'est juste après ça. Allez, c'est parti, c'est Fun Radio. On est en direct, comme d'habitude, évidemment, jusqu'à 2h du mat. Et il n'y a plus de pub, surtout, là, maintenant. On est tranquille. La nuit sans pub sur Fun Radio. Bienvenue, si vous arrivez. Il y a Roms qui dit la vidéo du bowling trop forte, Mickaël. T'as dû avoir mal à la tête après. Ben, c'est pas tant à la tête, en fait. C'est parce que j'ai reçu la boule sur le menton. Donc, je peux te dire que je l'ai senti passer. Hein. J'ai cru que j'avais les dents pétées. Oh, j'aurais pété la gueule de teuf. Ouais, c'était violent, quand même. Hein. Ah, franchement, ouais, je t'aurais pété la gueule. Tu sais que j'ai failli perdre mes doigts. Je sais, vous avez entendu. C'est du froid, ça. Ouais, le froid, et en fait, comme c'est moi qui tirais tof, sur gros port, là. Et en fait, à chaque fois, je pouvais plus utiliser mes mains, mais on sait. C'est bien. Parfait, Polo. Il y a Dédé qui dit ça continue, Tof va coucher avec Cameron Diaz pour avoir plein d'infos en exclu. Bon, je pense qu'il serait pas contre dans l'idée. Ah, moi, hein. je dis jamais non à Cameron Diaz. J'imagine. Même si elle est un peu vieille, c'est pas grave. C'est ça. Donc, allez voir la vidéo, là, la vidéo avec la descente avec la boule, la descente de bowling, donc en conditions réelles et surtout en grandeur nature, sur le tout YouTube et sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Et puis, jetez un œil également, si c'est pas encore fait, sur comment, tout ce qu'il faut faire pour draguer tout ce qu'il ne faut pas faire pour réussir à draguer. Voilà. C'est ça. Je vous l'ai fait, trois questions grâce à Adèle, un auditeur. Allez voir aussi sur le Facebook de l'émission et sur le YouTube, hein, vous tapez Mickaël officiel, abonnez-vous à la page. On est un peu plus de 80 000. Bon, la dernière fois que j'avais été regardé, il y avait 80 000 personnes qui avaient été voir. Donc continuez à passer le message autour de vous, partagez au maximum. Je compte sur vous pour que les gens sachent enfin qu'il y a un truc à écouter le soir à la radio et que c'est sur Fun Radio que ça se passe. Il y a Camille avec un cas qui dit un petit tour par ici. Demain, j'ai un examen que je n'ai presque pas révisé, je finirai dans une émission de radio comme Polo. Et j'ai fait des études, moi. Et attention, et il y a Beauté d'Orient qui dit Mickaël, tu m'as manqué, ça fait plaisir de t'entendre. Oh. Bisous l'équipe, merci Beauté d'Orient. Et it's Benji Beach, qui dit ah, Mickaël débarque avec toute la team, let's go. Bonsoir tout le monde, merci Benji et Kevin également. Grâce au tremblement de terre sur Antibes, je me suis rendu compte que Toff avait vraiment une tête de bite, c'est malheureux. Qu'est-ce que ça fout? Bah, je ne sais pas, mais effectivement, je suis d'accord avec lui, c'est malheureux. Tiens, Romain est avec nous également, là, de Roumanie. Allô Romain? Ouais. Ça va Romain le Roumain? Et enlevez vos portables de la table. Je suis de Toulouse là, gros. De quoi? Rachaud, va. Qu'est-ce qu'il y a Romain? Ouais, je suis de Toulouse, gros, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en Roumanie là? Bah bien sûr, ouais, c'est chaud, hein. Mais t'es où, à Bucarest ou ailleurs? Ouais, à Bucarest, ouais, c'est la merde. Il paraît que c'est bien Bucarest, non? Non, je sais pas, j'ai jamais été. Tof, enlève ton portable. Non, arrête. C'est bon, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous à Bucarest? T'es Il avait pas de papier, ils l'ont ramené. Où t'habites là-bas? Écoute, gros, j'ai ma boîte à côté de Toulouse, là, mais ma mère, elle m'a chassé, en gros. Hein. C'est ça, je suis chelou. Quoi? D'accord. Donc, du coup, t'habites à Bucarest? Ouais, hein, si on veut. Hein. Non, bon, moi, je veux rien. Moi. Pose la question pour savoir, hein, mais pas de problème. Donc, du coup, t'écoutes la radio via Internet? Bah, bien sûr. Ouais, parce que les radios romaines. Toulouse, là-haut. Eh oui, parce que les radios romaines moyenne quoi, évidemment. Bah, bon. C'est de la merde, ouais. Bah ouais. Bon, tu voulais dire quoi, toi, Romain, du coup? Moi? Tout ce que tu veux, y a pas de problème. Non, mais d'accord, mais tu nous appelles pour un truc en particulier, Romain. Là, j'ai vu que tu voulais réagir par rapport au poil. Ouais, ou par rapport au poil, ouais. On posait la question. Donc c'est Cameron Diaz qui avait dit que les poils au niveau du vagin ne devaient pas être enlevés, puisque s'ils étaient là, c'est qu'il y avait une raison. Mais c'est vrai, la raison, c'est comme les poils du nez. Je me suis toujours posé, c'est qu'il y a une raison qu'il y a du poil, le poil du cul. Ouais, mais ça chatouille, les poils du nez. Ouais, mais à quoi ça sert je crois les microbes de... D'entrer dans la chambre. Ouais, ça nettoie, en fait. Ouais, ouais, mais c'est vrai, la raison, si on a des poils, c'est qu'il y a une raison. Ouais, enfin, t'as des poils sur les bras, t'as des poils sur les jambes, je suis pas sûr qu'il y ait une utilité. Je pense. Je sais pas. À la base, dans la nature, en fait, c'est les poils qui protègent des rayons de soleil, en fait. Ah. Ouais, mais l'arrêt du cul, si tu veux, c'est pas un truc qui est vraiment. Alors, depuis des millions d'années. Ça dépend, Tof, lui, il se met au soleil, il met l'arrêt du cul en premier. Hein. Ah, bah, moi, d'ailleurs, je ne mets que l'arrêt, le reste, je m'en fous. C'est bien l'endroit qui est caché, c'est l'arrêt du cul. C'est vrai. Parce que même si tu veux. Alors, admettons, on vit à poil, on est tous là, on se trimballe là. À Walpé, dans la forêt à Walpé. D'accord, ouais. Pendant des siècles. Mais l'arrêt du cul, c'est fermé le cul. C'est vrai. Comment tu veux. Ouais, mais t'as l'anus. Oui, mais l'anus, il est pas ouvert. Mais les microbes et tout. Oh, mais attends, mais le cul, c'est ce qui sort, les microbes, justement. Bah, si vous savez, dites-nous pourquoi on a des poils. Parce qu'il y a forcément une... En parlant de raie du cul, je vous ai mis une belle photo sur le Facebook cet après-midi. Ah oui. À base de tatouage. Réfléchissez bien avant de faire un tatouage. Tu l'as vu, la photo, ou pas? Non, pas va vu. La voir maintenant, Sandro. Va la voir. Tu l'as vu, toi, ou pas, Romain, celle que j'ai mise cet après-midi? Attends, je check là. Bah regarde, il y a deux raies du cul, en fait, et deux tatouages. Et donc c'est une meuf qui a fait un petit nounours, un petit ours, un petit ourson. Ah, oui. Pendant qu'il check, vérifiez que vous avez tous vos portables et vos portefeuilles. Oh, il va pas nous refaire la première fois, lui. Là. Moi, j'ai tout rangé direct. Ah bah il vaut mieux. Dès qu'il a appelé au standard, j'ai tout rangé. Bon, Romain. Ouais. Bon, et donc du coup, toi, par rapport au poil, tu préfères avec ou sans plutôt? Franchement, je préfère quand c'est minimum rasé, quoi. Quand c'est minimum, quand c'est propre, quoi, quand c'est entretenu. Propre, voilà, on s'est compris, hein. Ouais, non, mais je préfère précision, si jamais, hein. Ah oui, une signification aussi qu'il y avait au poil, c'est la puberté. Non, c'est pas une signification. Bah, ils arrivent pas tout de suite, hein. C'est l'acné, la puberté. Non, oui, non, mais. Ah non, les poils, ils arrivent à un certain âge. Non, mais âge. Ils arrivent, mais ils sont à pas là. À un certain moment de ta vie, quoi. Il y a un moment, celui, tu sais, la nature s'est pas dite, on va mettre les poils comme ça, les gens sauront quand arrive la puberté. Tiens. C'est une bonne ils idée. Ils sont tellement cons. Ah, mère nature. Non, il y a une protection, Non, mais c'est pas solaire con. C'est pas con ce qu'il dit, Romain, pour le soleil. Là. Les poils du nez, en fait, c'est, je crois, en fait. C'est pour ça que j'ai pas souvent les coups de soleil. Les poils du nez, par exemple, c'est quand tu respires, ça enlève déjà les poussières et tout pour pas que ça t'aspire. Et t'en as aussi dans la gorge. Ouais, que ça rentre pas dans les sinus. Dans la gorge, en fait, dans les trachées, en fait, t'as des micro. Non, c'est vrai, des microcils qui empêchent les poussières et les trucs à rentrer. Bienvenue sur Médecine FM. Oui. Bah, c'est intéressant quand même. La médecine à deux balles. Les deux balles, c'est pas au-dessus. Les quoi? Non, les sinus, c'est. Ah, ils méritent. Les sinus, c'est là, ouais. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. En fait, ça fait tout le tour, hein, de ton visage, les sinus. Enfin, tout le tour. Pas tout le tour, mais t'en as au-dessus des yeux, enfin, au-dessus des sourcils. Ça va jusqu'en dessous des yeux, machin, tout le bordel. Je sais, j'ai été faire un scanner, tout était bouché la fois passée, c'était une tanasse. Donc, c'était une galère. Bon, ben, Romain. Ouais. Donc toi tu préfères quand c'est un peu nettoyé, donc c'est très très bien. Et toi Claude, tu préfères comment? De quoi, les poils? Ouais. Ah, moi je déteste quand ça déborde. Ah d'accord, ok Claude, t'as raison. Bah, mais t'as raison, il faut donner ton avis. En plus, du haut, t'es 34 ans, t'es un peu notre doyen. Ouais, c'est ça. Bah, j'avais aussi quelque chose à dire que je trouve inadmissible. Oui. C'est que bien sûr, révolte-toi. Oui. Tout le monde derrière Claude. Bon alors Claude, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui était inadmissible? Je ne comprends pas pourquoi on n'a toujours pas appelé ma copine, hein? Parce que je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas la pipe hawaïenne. Pourquoi tu imites la quoi Chirac là? Ouais. Hey, Claude. Oui. T'en la joues là? De quoi? Voilà. Bon, t'attends un petit peu Claude encore, hein? Donc l'autre il monte sur ses grands chevaux là, il est sérieux lui. Bon Alex est avec nous de Paris également. Salut Alex. Allô. Allô Alex, ça va? Ça va et toi? Très très bien Alex. Salut. Bon alors Alex, toi tu voulais réagir par rapport aux catastrophes naturelles, puisqu'il y a eu le tremblement de terre ce soir à Barcelonnette dans les Alpes. Merde, j'ai oublié. Dans les Alpes-Maritimes. Et non, pas du tout. Ah d'accord. Non, Alpes de Haute-Provence, voilà c'est ça. D'accord. Donc du coup, il y a eu tremblement de terre là tout à l'heure et du coup bah tu voulais réagir. Toi t'es à Paris donc t'as rien sorti hein, forcément. Alors moi en fait c'était pour raconter une petite anecdote qui m'est arrivée par rapport aux catastrophes naturelles. Ouais. En fait c'était en octobre dernier, j'étais dans Paris dans le 20e arrondissement. D'accord. Et là il y a eu un tsunami qui a fait sortir la Seine. Oui c'est ça. Non en fait il est sorti par... ils sont sortis par les égouts. Hein, donc en fait je voulais raconter, il y a eu un putain d'orage, mais un sale orage. Et en fait moi et mon meilleur pote on a reçu l'orage à 5 mètres de nous. Ouais. Et en fait, il y a une quinzaine ou une vingtaine de voitures qui s'est mis à avoir les carreaux explosés. Non, qui c'est qui pète à côté là? C'est top ou c'est un pote à toi? Non, bah, c'est un con dans la rue. Ouais, genre dans la rue, le mec qui vient à côté de toi, il pète dans la gueule. Le mec, il rigole. Tu sais, on est les vieux qui fument depuis 150 ans. Oh, c'est clair. Ouais. Bon, et donc, il y a eu l'orage, les voitures pétées, enfin les vitres pétées. Et donc en fait on s'est chopé l'orage à 5 mètres de nous, on a eu les tympans percés pendant 3 mois. Ouais. Ah oui quand même. Et donc voilà, on a les voitures qui ont commencé à péter un plomb, les tympans explosés, les lumières qui les lampadaires qui sont mis à éteindre. Et voilà. D'accord, ok. Et c'était quand ça? C'était en octobre dernier. Octobre dernier? Je me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de problèmes d'orage. Je me souviens pas. L'orage l'année dernière. À Paris. Si, il y a eu assez en octobre? Si, ouais. Ah ouais, d'accord, ok, c'est possible. Mais donc, vous avez rien eu, vous? Bah si, on a eu les tympans défoncés. Et on s'est mis à recevoir des coups de jus pendant 2 jours dans le corps. Non mais t'es sérieux là? Non, sans déconner. Ah ouais. D'accord, ok, très bien. Mais j'ai jamais eu ça. J'ai jamais entendu qu'on pouvait avoir des tympans défaussés avec un orage. Non, moi non plus. C'est surtout qu'il était à 5 mètres, donc on a reçu tout le jus dans le corps. Et voilà. Mais tu avais le bras en l'air avec une antenne ou quoi? Il testait les paratonnerres. Il testait les paratonnerres. Voilà, mais je voulais son paratonnerre. Ah ouais, d'accord, ok. Donc du coup, ça a marché. Bon, le principal, c'est que tu sois toujours là. Comment? Le principal, c'est que tu sois toujours là. Ouais voilà c'est ça. Et que ton pote se reste bien la gorge et qu'il pète. Et finalement c'est que vous êtes en bonne santé. Et ça j'ai envie de dire c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est un pan nettoyé. Exactement, bah toi va essayer tiens paratonnerre pour essayer. Bien sûr j'en ai toujours rêvé. Il veut se faire taser hein, c'est ça. Oui ouais. Oui bah, il va se faire taser. J'ai vu une vidéo d'une meuf qui l'a fait pour je sais plus quelle bonne cause soi-disant c'était le truc pour récolter des fonds. Et au final ça a pas l'air si ouf que ça quoi. Ah ouais. Ça a pas l'air si ouf. Son cœur va s'arrêter. Mais il y a deux fliquettes qui vont venir dans l'émission Tof, une gendarmette et une flic. Elles vont venir avec la matraque télescopique. Et donc elles vont essayer ça sur ta jambe. Ouais, mais ça par contre c'est violent. Ça fait ça. Ah bah oui, contre... mais enfin t'es rock'n'roll, t'es pas rock'n'roll. Oui. Non, ah si bon elle... bah voilà. Non, alors. Si elles viennent en uniforme, je serais rock'n'roll. Vaut mieux un coup de matraque télescopique qu'un coup de flashball. Ouais. Et je me suis même arrangé pour avoir les menottes. Les menottes, ça va être bien ça. Je vais être au top. Ah bah tu m'étonnes. Bon mais merci Alex en tout cas d'être passé hein. De rien, pas de problème. Et tu reviens quand tu veux. La matraque télescopique, si vous la mettez trop dans le cul. T'inquiète pas. Même ça je peux kiffer par contre. Ah ouais, dans le cul, plus kiffer que dans les jambes à mon avis. Mais bon. Non mais vous inquiétez pas, on vous invitera à venir aussi tester la matraque télescopique. Salut Alex. Salut, bonne soirée. Allez, toi aussi, à bientôt Alex. Bon allez, vous êtes en direct et puis nous aussi d'ailleurs, on est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Le chéri, je peux te faire cocu, c'est ça, va débarquer dans quelques minutes. Fred, eh ben, bonne chance en tout cas pour la télé-réalité. Tiens-nous au courant. Hein. Ouais. Je peux passer une petite dédie aussi? Bah vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Anto, mon cousin qui est en train d'écouter derrière. Très bien, eh ben on embrasse Anto le cousin bon alors. Bon courage à tous et puis je serai pas studio aussi. Eh ben sans vrai. Problème, avec plaisir, vous venez, il n'y a pas de problème hein, quand vous voulez. Hein, y a pas de... En plus, les vacances arrivent. Hein. Enfin, il y en a qui sont déjà en vacances d'ailleurs. Ouais, en Belgique, ils sont en vacances et la semaine prochaine, ça démarre zone. Je crois que c'est zone C. Voilà, c'est ça. Et là, donc il y a des vacances pendant un mois et demi. Au total, cumulé, c'est l'addition de toutes les vacances, là, on est au top. Bon, ben salut Fred et à bientôt. Ciao, à bientôt. Qu'est-ce qu'on va prendre également là? Bah Romain, merci à toi d'avoir appelé en tout cas, tu reviens quand tu veux hein. Ouais hein. Et on embrasse tout le monde en Roumanie du coup hein. Ouais non, je peux passer une dédicace hein. Allez vas-y aussi, à une seule personne, on t'écoute. Ouais, Emily de l'AMC, elle est trop bonne. Très bien, écoute, le message est passé, pas de soucis. Salut Romain. Allez, ciao à toi. On fera la colle dans quelques minutes avec Olivier également. Quel est le meilleur filet de pêche au monde? Si vous avez la réponse, eh ben, il y a la possibilité pour vous de répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Allez-y, évidemment. Minuit sur Fun Radio. Dans quelques minutes, nous ferons, comme tous les soirs, les teubés de la télé. Le chéri, je peux te faire cocu. Ben, je vous l'avais annoncé. On va le faire dans quelques minutes. Et ça aussi, je vous l'avais annoncé. Le son de DJ Cassidy avec Calling All Earth sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. MIKL, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Le son de DJ Cassidy à l'instant sur Fun Radio, c'était Calling All Earth. Il y a Miael. Je sais pas s'il a oublié le C ou si c'est Miael. J'ai jamais entendu ça de ma vie, mais bon, soit. Les poils ont une fonction protectrice, autant solaire que pour les petits débris qui pourraient rentrer dans les orifices. Et pour leur apparition, c'est provoqué par des changements hormonaux dus à la puberté. Voilà, bah merci, on se couchera moins con ce soir. Il y a Rona qui dit YOLO jusqu'à 2h du mat. Il y a Mystique aussi. Putain, ouais, j'ai vu la photo du tatouage. J'étais plié. Oui, je vous l'ai mis cet après-midi sur le Facebook. Allez voir. En gros, pour ceux qui ont pas Facebook, je vais expliquer. C'est donc une photo, enfin une photo trafiquée, hein, mais une photo où t'as une meuf qui fait une faute, qui met un petit, qui se fait tatouer un petit nounours. Ouais. Au-dessus de l'arrêt des fesses, ouais. Et on voit 20 ans après, t'as les fesses qui ont méga gonflé, et tu vois le nounours qui est en train de crever, quoi. Donc réfléchissez à où vous mettez les tatouages, parce que avec les années, ça peut avoir une gueule déformée, quoi, donc méfiez-vous. Et le boss Niakov qui dit enfin vous écoutez de nouveau, j'étais puni une semaine. Oh là là, ça fait du bien de vous écouter toujours les mêmes. Ah bah on n'a pas changé le boss Niakov. Mais qu'est-ce que t'as bien pu faire pour être puni, le boss Niakov là? Qu'est-ce que t'as fait? Explique-nous. Et alors Thomas également sur le Facebook, une femme sans poils, c'est comme un repas sans manger. Merci pour cette comparaison. Et bon appétit, ouais. Et Laura qui dit aussi, moi j'écoute en Algérie car sans MIKL No Limit ça va pas. On peut écouter dans le monde entier. Oui, avec ouais. L'application MIKL No Limit. Et puis sur internet évidemment, sur le site de Fun, vous pouvez y aller sans problème. Bien entendu, comme tous les jours, ça fonctionne. On a François avec nous là maintenant de la région parisienne là. Salut François. Salut MIKL, salut toute l'équipe. Comment vas-tu François? Je vous entends mal par contre. Ah bah ça vient pas de chez nous parce que nous on est pas dans un tunnel hein, donc ça c'est sûr hein, mais ouais. Tu nous entends bien ou pas? Ouais, un peu mieux ouais. Ah bah c'est peut-être que t'as bougé, je sais pas. Bref, tu nous appelles pourquoi, dis-moi François, avant qu'on fasse les teubés. Alors, de la télé, avant qu'on fasse le chéri, je peux te faire cocu avec Laura dans quelques minutes. Je vous appelle parce qu'en fait je suis avec un ami et ce soir on a un petit plan de prévu et on se demande si on... Qu'est-ce que c'est? Comment ça un plan de prévu? Un plan de quoi? Un petit plan à plusieurs, on va dire ça comme ça. Ah non, c'est bon ça. Non, t'as déjà essayé? Non, c'est loin. Mais le truc c'est que en fait moi et mon ami on est en couple. Ah, mais on s'en fout. Mais attends, ça. Mais un plan à plusieurs avec que des mecs ou un plan à plusieurs avec des meufs au milieu? Non, je suis avec mon pote MIKL. Ouais. Et en fait, il y a deux meufs pour nous. Mais ah, deux tu meufs, me fais en fait, peur. On les connaît pas. Bah, et alors. D'accord. Tu les connais pas, elle te connaît pas, personne se connaît. D'accord. Mais personne se connaît, je suis tout à fait d'accord, mais on se demande si on devrait y aller ou pas. Mais bon, oui, il faut y aller. Non, mais écoute, moi je te dirais non parce que. T'es avec ta meuf depuis combien de temps? Comment? T'es avec ta meuf depuis combien de temps? Ça fait 6-7 mois. Mais non, mais le fais pas. Mais si. Tout se sait toujours un jour ouais. Ou l'autre. Tout. Imagine. Je sais que je suis parano et c'est aussi pour ça. Enfin, c'est pas que pour ça, mais je veux dire, je sais que si je trompe ma meuf, je vais me faire baiser parce que je vais avoir le cul. Figurez. Ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai jamais trompé, mais je sais que si je le fais une fois avec mon bol, de toute façon, je vais soit me taper une meuf qui connaît ma meuf. Et donc je vais me faire baiser. Qui elle-même connaît ouais, une autre meuf. En sens figuré là. Non mais oui, il n'y a pas à répéter à chaque fois, on a compris, on se doute bien. Mais tu vois, tout se sait toujours. Parce que imagine les deux meufs là, une des deux meufs que tu vas choper là. Ouais. Imagine c'est la copine d'une copine de ta copine. Mais t'as vu, peut-être qu'elle va en parler parce que t'as un bon coup ou au contraire un très mauvais. Elle va me dire putain je me suis tapé un mec, le mec c'était dur hein. Ah bon pourquoi? Ah bah parce que ça et ça. Ah bon putain mais ouais, imagine ces réunions Tupperware de merde ouais. Là avec les meufs ouais. Et puis ah bon mais il s'appelait comment? Ah bah il s'appelait François là et putain il avait 19 ans le mec, il avait ouais. Alors il avait même un petit tatouage entre les cuisses. Ah bon il avait quoi? Un petit papillon, tiens comme mon mec. Et paf. Non mais j'en sais rien, j'invente n'importe quoi. Mais tu t'en branles. Oui, mais ah non, moi je dirais non. Moi je dirais non. Il a raison, c'est que. Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, tout se sait maintenant. Ouais, tout. Tu peux plus faire ce que tu veux. Tu peux plus être malhonnête. Tu peux plus être malhonnête tranquillement, parce que avec toutes ces merdes Facebook, Twitter et tout là, tu peux plus être malhonnête. C'est fini. Ouais, mais à vrai dire, on a qu'une vie, on a qu'une vie. Mais oui, t'as qu'une vie, fond. Jusqu'à preuve du contraire. Après, voilà, après, ça dépend si. Non, mais si tu tiens ta copine ou si t'es pas spécialement amoureux, que t'es avec elle parce que t'es bien avec elle, mais sans plus. Voilà, tu vois, ça dépend de plein de trucs. Si t'en as rien à foutre, ben oui, vas-y, fonce, même si ça se fait pas, je veux dire, ta meuf d'abord. De quoi ? J'ai une question, Mickaël. Dis-moi. Je fais avec ou sans capote? Bah avec, ouais. Évidemment. Alors non, bah alors là par contre con, lui. Non mais Mickaël, putain, moi je pensais que les Mickaël ils représentaient mieux que ça quand même. Comment tu peux te poser la question? Au lieu de penser à baiser, tu devrais mieux d'étudier un peu alors. C'est un peu bête. Non mais sérieux, sérieux, on va pas vous donner, on veut faire la leçon, on n'est pas là pour ça. Ah oui. Mais évidemment, mettez une capote. Mais vous imaginez si les meufs sont déjà ouvertes à faire un plan avec des mecs qu'elles connaissent pas, imaginez ce qu'elles ont fait avant. J'en sais rien, tu vois, imagine, elles ont peut-être toutes les maladies du monde, vous en savez rien. Ouais, qui sait. Bah ouais, mais attends, et le pire, attends, parce que là c'est encore pire. Bon, c'est Mickaël qui a posé la question, mais toi t'allais quand même le faire avec capote, François, rassure-moi. Mais bien sûr. Non, parce que le pire, alors déjà, si vous trompez votre copain ou votre copine, bon, vous êtes quand même enculé pour le coup, hein, c'est vrai. Ouais. Mais ayez au moins le minimum de bonté, vous appelez ça comme vous voulez, de sortir courir, oui. Ramenez pas les saloperies à la maison. Ça, soyez gentil, quoi. Non, mais soyez un Elle minimum. Elle a rien demandé. Non, mais soyez un minimum honnête, quoi. Comme dit, comme il s'appelle, MC Jean Gabin, faut pas chier là où on mange. Non, merci. Et il a raison. C'est vrai. Merci, Polo. Non, mais voilà. Donc on attaque. Bah moi je dirais non parce que t'as une meuf et par principe ça se fait pas. Maintenant après bon tu fais comme tu veux, Tof évidemment comme c'est un connard lui il va te dire oui forcément. Mais oui faut y aller, faut y aller. Mec c'est une expérience à prendre et si ça se trouve la meuf elle te virera quand même dans 3 semaines. Mais Tof fait tout ça parce qu'il va bientôt mourir donc il profite de la vie tant qu'il est là. Ou si ça se trouve tu vas le faire alors qu'en fait tu vas niquer la chance que de ta vie parce que t'étais peut-être avec la femme de ta vie qui va te virer dans 3 semaines. Ça se trouve elle te sera pas donc elle Mais dire. Oui. Ouais et alors si ça, si c'est la femme de ta vie elle te pardonne. En fait là t'as vraiment le diable c'est Tof et puis t'as moi qui essaie de sauver le bordel. Ouais c'est ça le truc, c'est ça le truc. Bah ouais et donc imagine elle va le savoir. Et si elle le sait? Et si elle le sait pas? Il y en a plein d'autres. Ouais mais si elle le sait, ouais mais il y en a plein d'autres, mais peut-être que là t'es avec ta meuf et tu vois c'est peut-être l'amour de ta vie, t'en sais rien, peut-être avoir des gosses avec elle. Eh ben il fera des gosses avec elle et voilà, y a pas de problème, ça c'est. Mais non si, écoute, si elle t'aime, elle te pardonnera. Non, et ce sera pas la seule fois où tu la tromperas. Non, au contraire, si tu l'aimes, tu dois pas la tromper. Mais non, de toute façon la fidélité c'est un truc qu'on vient d'inventer, avant ça n'existait pas et tout le monde le vivait très bien. Ouais, c'est ça. Mais va voir ta mère enfant de putain. Oh. Voilà. Non mais c'est vrai, cite-moi une époque où les gens étaient fidèles. Mais je sais pas, mais écoute, avant 1900, cite-moi une époque où les gens étaient fidèles. Eh ben 1900. Voilà, mais avant. Eh ben 1890. Non, c'est l'époque où il y avait tout. Ça c'est l'époque où il y avait tous les bésodromes à Paris, où tous les mecs qui avaient un peu de thunes et qui pouvaient se payer une pute. Ouais, peut-être, mais ça aujourd'hui encore, il y en a qui vont voir les putes, mais après il y en a plein qui vont pas en voir. Oui. Mais les gens n'étaient pas fidèles. Non mais il y en avait et puis il n'y en avait pas. Eh ben comme aujourd'hui, il y en a qui sont pas fidèles et puis il y en a. Non, ça c'est toi qui crois. Mais les gens n'étaient pas fidèles. Et je suis quand même pas le seul à jamais avoir trompé ma meuf. Bah. Je voudrais pas être méchant, mais... Non, tu fais figure d'exception quand t'as même. T'as déjà trompé ta meuf, François? Avant, là, maintenant, là, t'as déjà trompé ta meuf? On va dire que oui. Oh, bon, bah alors, pourquoi tu demandes l'autorisation? Bon, alors, vas-y, ça mec, avec ce que je dis. Parce que je suis devenu sage. Ah, il est devenu sage, genre. Et toi, Mickaël, t'as déjà trompé ta meuf ou pas? Non, moi, je suis pas comme ça, moi. Ah bah non, mais il va quand même aller baiser deux meufs ce soir, hein, mais bah, t'as raison. Mais il est pas comme ça, non. Bah, bien sûr, évidemment, ouais, c'est non, cela. Ouais, bon, bah... Faire les mecs corrects. Bon, donnez-nous vos avis, les filles, là. Allez-y, les filles, même les garçons, d'ailleurs. Hein. Vous restez avec nous encore 5 minutes, là. Vous avez bien 5 minutes ou pas, François? Ça marche, on fait vite, alors. Bon, très bien. Ouais, bon, à vite faire, alors. Bon, bah, donnez vos avis maintenant, les filles, les garçons. Appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bah, prenons l'avis d'un sage et un peu le doyen de l'émission, Claude. Oui. Bon, qu'est-ce que tu ferais, toi, à leur place, à Mickaël et à François, là? Toi qui es un homme d'expérience, un homme mûr. Ouais. Oui, qui a déjà trompé. Moi je dis oui, direct. Mais voilà. Direct. Mais oui, Claude. Mais du haut de tes 34 ans, Claude, t'as déjà trompé ou pas? Ah ben oui, 4 ou 5 fois. Ah, 4 ou 5 fois. D'accord, un ok. Un vrai, Claude. Il a 10 ans. Eh, dit-il, non, il a 34 ans pour toi. Sa meuf de 13 ans, il veut pas coucher. Non, en fait, il a trompé sa daronne quand il a piqué des bonbons, mais enfin... Mais bon, bah alors dites-nous les filles, donc appelez-nous 01-42-48, Samir, on prend la vie de Sandro, là. Sandro, parle. Quoi? Qu'est-ce que tu ferais à la place de François et Mickaël? Oh, je veux rien savoir. Bah si, donne ton avis, tranquille. Là. Il a une meuf, c'est ça? Bah tous les deux. On a des meufs, ouais. Franchement, c'est chaud. Ça se fait app. Ça se fait pas. Ouais. Ouais, mais je comprends que c'est une expérience que vous avez. Pourquoi vous en parlez pas à vos meufs? N'essayez pas de vivre cette expérience avec vos meufs. Ah ouais, pourquoi vous faites pas un truc à quatre avec vos copines? Non, pas le truc à quatre, mais un truc à trois. Si ta copine elle est d'accord pour faire un truc à trois avec une autre nana, demande-lui déjà son avis à elle. Ou mieux, là ils sont prêts à baiser ensemble, là, François et Mickaël, ils sont prêts à baiser ensemble. François, pourquoi vous essayez pas de gérer un truc avec vos deux nanas respectives? Ah non, c'est chaud ça. J'ai mieux, les gars, vous enculez entre vous et puis vous rentrez chez vous. Parce que s'ils couchent sans les deux meufs, c'est-à-dire juste à deux, est-ce que c'est trompé aussi? Ah non, c'est des. Non. Bah si. Bah si. Viens. Non mais c'est vrai. C'est pas le cas. Bon attends, on va prendre Olivier qui est avec nous là. Olivier. Ouais, bon, toi t'es là pour la colle mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils doivent faire alors? Ils doivent faire ou ils doivent pas faire? Oh tu sais, dans la vie, est-ce que leur copine ne l'a pas déjà fait peut-être? C'est possible aussi. Non mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Est-ce que peut-être? Bah oui, peut-être que oui, peut-être que non, on sait pas. Et si on mettrait Paris en Champions League? Ah bah non, c'est le cas. On se tirait un arbre. Non, oui, c'est vrai. Moi je dis franchement, bon les meufs, si je les ai pas vues, il faut que je les voie. Si ça m'attire, je le fais, mais parce que j'ai aucun. Mais t'as raison, Clo. mais c'est pas la question. Si je les ai pas vues, faut que je les voie. C'est la phrase de la soirée, moi j'adopte. Non mais c'est vrai, on a un ami commun avec Polo qui lui râlait parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas le temps de baiser toutes les meufs du monde. Il nous a dit un jour, je tairai le nom, Marc, si tu m'entends. Un jour il a dit, écoute, tu sais quoi mon gars? Eh, vous écoutez là ou pas? Ouais. Bon, il nous a dit un jour, il me prend comme ça, il dit, tu sais quoi? Je suis triste aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas toutes les baiser. Un grand sage. J'aurais jamais assez de temps pour toutes les baiser. Voilà. C'est ça, un grand sage. Bon, il y a Florian qui dit Mickaël, t'es un bon et toi t'es un gros con, on mord derrière. Tout se sait, mon frère, mon frère a niqué 10 ans de vie commune et 6 mois de mariage à cause d'une tromperie. Et oui. Attends, le mec il a attendu d'être marié pour tromper sa meuf quand même, ton frère. C'est idiot. Il y a Clément aussi qui dit non, t'inquiète Mickaël, il n'y a pas que toi qui n'a pas trompé sa femme. Ah bah quand même, ça me rassure un peu Clément là. Non, mais par contre ta femme. Ah bah tu peux pas savoir. Et comme je te dis, moi je m'en branle tant que je le sais pas. Non, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais quoi qu'il en soit, Mickaël et François, si jamais vous le faites, ouais. Ne jamais avouer. Bah oui, voilà, ça n'aura jamais eu lieu. De toute façon, il y a que vous deux qui seraient au courant. Non, il y a vous deux et les deux meufs non, mais qui deux... ne connaissent pas. Non, mais voilà, mais c'est ça. Non mais. Non mais les gars, vous serez toujours à deux pour pouvoir dire que c'est des bouffonnes qui essayent de monter vos meufs contre vous. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Mais oui, bah bien sûr. Solidaire les gars jusqu'au bout. C'est ça. Et il y a homme du midi qui dit j'ai 51 ans, je peux dire qu'une chatte d'une femme de 60 ans rasée ressemble à deux vieilles escalopes et son cornichon est aigre. Merci l'homme du sud. Oh, Mickaël, merci beaucoup. Bon ben François et Mickaël, on va demander l'avis des filles quand même là parce que bon là les filles. Bah oui les filles appelez-nous là, j'ai besoin d'aide. Help me. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon du coup vous êtes un peu à la bourre avec le chéri, je peux te faire cocu, mais on va le faire avec Laura là. Bouge pas de là Laura, bouge pas de là François, pareil pour Mickaël. On va se faire également la colle avec Olivier là. Olivier, avant de donner la réponse pour gagner l'écran plat 32 pouces full HD, répète la colle de ce soir. Alors, quel est le meilleur filet de pêche au monde? Quel est le meilleur filet de pêche au monde? Si vous avez la bonne réponse. Alors, j'ai eu la réponse. C'est un peu perché hein, comme réponse. Hein. Mais c'est quoi? Bah, je vais pas te le donner. Enfin, je vais pas la donner parce que sinon les auditeurs vont trouver. Donc le but c'est pas non plus de tricher, tu vois. Je vais pas te désavantager. Mais c'est quand même perché. Donc voilà. Il y a un message qui dit la colle est ma bite. Polo l'a pas proposé. Ouais, il a pas proposé aujourd'hui. Non. Tu vas voir qu'un jour ça va être ça, il l'aura pas proposé. Mais c'est ça. Voilà. Il y a Johnny qui proposait la réponse d'Olivier, c'est l'antivirus, le meilleur filet au monde. Non. Non, Yacine qui proposait un thon. Non plus. C'est le filet Spadon. Non, d'accord, ok. Il y a Yacine qui proposait un thon, bah c'est pas ça non plus, hein, du coup on l'avait déjà dit. Bon, si vous avez la bonne réponse, il vous reste un petit quart d'heure là maintenant hein, pour vous inscrire, facebook.com/mikaelofficiel. Je vous ai mis la colle, vous pouvez la lire, vous pouvez y répondre et puis vous pouvez vous faire tirer au sort aussi évidemment. Le jeu est gratuit donc allez-y et si vous voulez, vous pouvez vous inscrire également sur le SMS. Tapez Mikaël et la réponse et envoyez le tout au 64 900 par SMS donc ou au 63 22 depuis la Belgique. On te récupère dans quelques minutes, Olivier, pour le. résultat final. D'accord. A tout de suite. A tout de suite. On aura Dylan qui voulait réagir à François et à Mickaël dans quelques minutes. Et puis bah les filles aussi, je voulais vos avis. Hein. On va en parler dans quelques minutes après le son de Jubal Klingandi. Maintenant sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous arrivez minuit 18. On est en plein grand débat là. Hein. On va en parler juste après Klingandi en cœur de la nuit sans pub sur Fun. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, avec Rebelle qui arrive dans quelques instants et Black Pearl, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Et je vous le cale dans quelques minutes, donc restez bien avec nous. On aura aussi David Guetta et Showtech, le son de Bad qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Si vous voulez demander un son, bah comme d'habitude, vous connaissez le principe. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. D'ailleurs, on n'a pas fait un top tweetos ce soir pour l'instant. Non, c'est vrai. Un petit point tweetos là maintenant. Alors... Et je rappelle que les meilleurs auditeurs sont récompensés tous les soirs. Ceux qui tweetent le plus avec le hashtag et Mickaël sur Twitter, eh bien repartent avec un sextoy offert par Passage du Désir.fr. Voilà. Alors, quel est le numéro 5 actuellement là, tout de suite, maintenant, maintenant, là, maintenant? Dédé le Routier. Oh, salut Dédé le Routier. Numéro 4. Drakit. Numéro 3. Nadia. Numéro 2. Fred S34. Et numéro 1. Hugo Réo. Et Hugo Réo qui est numéro 1 pour l'instant. Bravo Hugo Réo. C'est rarement numéro 1 lui. Hein. Non, c'est vrai, ouais. Va-t-il c'est... tenir sur la longueur? C'est là qu'il faut voir un problème. Peu en général. C'est là qui. Ouais, c'est la longueur. Bon, bah les autres, allez-y. Vous balancez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël dans votre message sur Twitter. Et puis à 2h du mat, si vous êtes numéro 1, vous repartez avec le sextoy offert par Passage du Désir.fr. Voilà, il y a Jean Labouette également qui dit salut l'équipe, bonsoir de la BAC du 78, salut la BAC. Il y a Kaori aussi qui dit non mais sérieux, d'où on trompe sa meuf déjà et d'où on demande ça à la radio? J'aimerais bien que leur meuf écoute la radio en ce moment. Ah oui, putain, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Ah ouais. Hey, François et Mickaël. Ouais. Elles se connaissent vos meufs? Ouais. Oh putain, allez, François et Mickaël, si elles écoutent la radio, parce que des François et des Mickaël, il n'y en a pas 150 qui sont potes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et dont le François qui a une meuf depuis 6 mois. Non, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'il dit, Mickaël? Bah, elle dort, ma star là. Non, rien. D'accord, ouais, t'as donné un indice trop supplémentaire. Attends, il y a Camélia avec nous de Fontainebleau. Et promis, après, on fait le chéri, je peux te faire cocu, on est à la bourre. Hein. Désolé, Laura. Là. Bon, alors, Camélia. Salut, Mickaël. Comment ça va, Camélia? Ça va et toi? Fontainebleau, toi? Ouais, c'est ça. Passer un bon week-end? Bah ouais, ça va. Hein. C'est trop court, mais ça va. T'as fait quoi? Bah, je suis sortie avec des potes, puis voilà. Jusqu'au bout de la nuit? Elle a bu, elle a bu, elle est rentrée avec n'importe qui? N'importe quoi. J'ai pris la voiture, donc ça va. Ah bon, ça va alors. Mais t'es quand même rentrée avec n'importe qui? Non, quand même pas. Non, ça va. Non, je le connaissais, ça faisait deux ou trois fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, alors Camélia, est-ce que t'as entendu l'histoire de François et Mickaël? Ouais, justement, c'est pour ça que j'appelais, parce que moi, je trouve que. Si le mec il a plus de sentiments pour sa copine, autant qu'il lui dise clairement. Et c'est pas ça a rien à voir, c'est pas mais question. Ta gueule, Tof, tu non, dis de la merde. C'est pas une histoire de punus, salopard. Mais oui, c'est pas une question de sentiments. Si t'as envie d'essayer un truc avec une autre meuf, voilà, tu la baises et puis t'en parles plus. Oh, mais n'importe quoi. Va voir ta mère, enfant de putain. Je suis sûr qu'elle sera d'accord avec moi, ma mère. Non, voilà, mais dans ce cas-là, il demande à sa meuf et peut-être que. Elle sera d'accord. Mais ça se fait pas, mais. Tu veux pas demander à ta meuf un truc comme ça, c'est sale. Mais, non mais. Bah, justement, mais vois ça du côté, imagine c'est le mec qui vient te. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, imagine c'est la meuf qui vient te demander ça et enfin. C'est pas un truc qu'on fait déjà à la radio, ça? Attends, ça, oui. Ça pense, ça porte un nom. Chérie, je peux te faire cocu. Ah voilà, c'est ce qu'on va faire dans quelques minutes d'ailleurs, au passage. Non mais c'est vrai, tu peux toujours poser la question, François. En même temps, là, la question est un peu bizarre, puisque là, c'est deux meufs qui vous proposent là maintenant ça tout de suite à l'instant T. Ouais. Voilà. Si ça se trouve, c'est un piège des meufs. Et c'est peut-être un piège. Moi, je suis tellement parano que ça peut être ça. Mais oui, mais bien sûr, elles sont capables de dire bien oui. Sûr. Marie-Caroline, tu vas prendre Sophie et puis vous allez piéger François et Mickaël. Ouais. Paf. Et vous, comme des idiots, vous allez tomber dans le panneau. Mais non, mais le problème. Vous êtes obligé de s'enculer. Le problème des mecs, c'est tellement facile de les baiser. Au sens figuré. Mais tu vois, c'est tellement simple. Tu mets une meuf un peu sexy. Bah oui. Qui est un peu ouverte sexuellement et pff, quasiment tous les mecs tombent dedans. Non mais c'est vrai hein. Au sens figuré. Attends, parce que parce qu'on tombe pas dedans comme ça. Je sais que je vais pas vous raconter toute l'anecdote parce que c'est très long, mais j'ai vu un reportage sur les gangs de Tijuana. J'en ai parlé de Tijuana, la mafia mexicaine, ouais, sur les trafics de drogue et tout. Et ils expliquent que c'est comme ça qu'ils ont piégé tous les flics et tout ça, c'est grâce au sexe, meufs, mais l'argent et le sexe. Mais évidemment. Ils les faisaient coucher avec ils renvoyaient des meufs à coucher avec eux, et en fait, ils les filmaient à leur insu, et puis ils balançaient. Voilà, tu veux pas qu'on balance, tu fermes ta gueule et tu laisses trafiquer. Ah ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ah ouais, non, bah écoute, moi ça m'est jamais arrivé. Mais il y a déjà eu des tentations, évidemment, mais il y a un moment, tu vois, tu te dis non, ça sert à rien, c'est pour un... Mais c'est oui, c'est pour un coup, t'en as rien les à foutre. Les en plus aux autres. Mais non, bah oui, mais franchement, oui, mais voilà, c'est tout, c'est juste que c'est inutile, quoi. La preuve, en fait, tu me diras, Mickaël et François et même Camélia, si vous êtes d'accord avec moi, mais il suffit de, c'est un peu ça, c'est-à-dire que t'as méga envie d'une meuf, par exemple. Tu te dis, putain, il faut que je la serre et tout le bordel, ok? Mais, ouais, en imaginant que tu trompes ta meuf, ok? Ouais. Imagine, tu vas simplement te branler aux chiottes. Une fois que t'as fini, t'as plus envie, bah c'est facile, passe autre chose, quoi. Non mais c'est vrai, ton envie, c'est, bah oui, c'est une envie bestiale entre guillemets, donc tu sais, il suffit de te terminer tout seul et puis l'envie est passée. Alors ça sera probablement moins bien, mais ton envie elle est passée et puis tu passes à autre chose. Et tu ne cèdes pas à la tentation. Je vais écrire un livre. Maintenant, mauvaise idée. Comment ne pas céder à la tentation, ouais, c'est vrai. Non mais oui, attends, il y a le Dylan également de Paris là. Salut Dylan. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Ça va super, nickel. Bon alors très bien, Dylan, toi t'appelles donc de Paris, 109 pour écouter Fun. Et Dylan, exact, donc toi tu voulais réagir à François, Mickaël, quel est ton avis? Est-ce que t'as déjà trompé ta meuf ou pas? Non, pas encore, non, ça sera pas encore. Ah, ça va pas tarder? Non, ça va pas se faire, ça c'est sûr que non. Bah pourquoi tu dis pas encore? Pas encore, ça veut dire que tu vas le faire? Ah non, ça va pas se faire, bah non, mais moi je suis pas comme eux, moi. Moi j'ai une fierté, c'est pour ça. Mais t'as une fierté de quoi? Bah j'ai une fierté que ça se fait pas, quoi, qu'après, enfin, comment tu serais dans un miroir, comment tu veux continuer à lui parler tranquille, quoi, c'est possible. Ah oui, non mais après ça c'est une chose. Quoique c'est même pas tant ça, parce que ne pas la regarder, ouais bon bah. Pff. Non mais le vrai, pas, tu la vois pas. Ouais, non, c'est pas ça qui me choque le plus. C'est juste un fantasme pour lui. Ouais voilà, je crois que c'est plus le fait de faire un truc avec deux meufs. Bah ouais, carrément, et puis il va le regretter, c'est ça le pire en plus. Ah, je vais arrêter parce que quand il aura fini son affaire là, il va se dire oh putain c'était pas terrible, ouais, et puis il est tout perdu. Ça par contre je suis d'accord. Ouais. Ah oui, quand même. Non ça je suis d'accord qu'il y a de fortes chances que vous regrettiez après. Ça je suis d'accord. Non, mais après voilà, pour pouvoir regretter, faut l'avoir fait. Non, et c'est toi le cul maintenant qui existe pour ça. C'est ça, tu te mets une petite branlette et puis l'affaire est pliée, t'as l'envie de la passer clair, et puis. C'est historique et puis c'est bon. Voilà, on et est d'accord. Et enculez-vous les gars. On par exemple, plus, voilà, une exactement. Bonne sodomie, ça n'a jamais fait tort à personne. Qu'en pense Claude? Quoi? Qu'est-ce que t'en penses Claude? J'ai pas écouté, j'étais en train de faire des choses. De faire quoi? C'est un doux lui. Ouais, ça c'est un doux, je confirme. Mais il a 34 ans pourtant. Ah, merde. J'étais en train de nourrir ma pouffe qui est enfermée dans la cave. Ah, arrête ton cinéma, Claude, là, t'es en train de te la ramener, Claude. C'est pas bien de parler comme ça de ton chien. Elle est vraiment dans ma cave, attends. Hein, attends, t'en la joue, Claude. Eh, hey, Claude, t'en la joue. Voilà, allez hop, c'est parti. Bon, bah, Dylan et Camélia, bah, merci à vous deux en tout cas d'avoir appelé. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue, Mickaël? Bah, avec plaisir, t'en veux un comment, là, dis-moi. Oh, un bon, là. Non, mais un bon. C'est-à-dire, ils sont tous bons dans l'absolu, mais un quoi? À la toffe, à la dégueulasse. À la toffe, à la dégueulasse. Alors, j'ai toujours le. C'est un récent, mais je l'aime beaucoup, c'est celui-là. Je vais t'enculer, toi et ta putain de mère, et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Voilà, c'est toujours celui-là qui me. Je l'aime bien, il est sympathique celui-là. Ah, je l'avais écouté en live, lui, il est mortel. Oh, mais il est énormément. Maman. Mais oui, c'est vrai, il est celui-là aussi. Va te faire enculer, connard. Va te faire enculer. Voilà, voilà. Et puis après, il y avait lequel aussi, comme ça on en fait un petit best-of là. Ah! Mais je vais me masturber sur ta gueule, le gros PDA, tu vas voir. Ça se fait un tout droit, là. Ça bouge pas seulement ce PDA que tu es, va. Voilà, il y avait ceux-là qui étaient pas mal aussi. Sinon, il y avait aussi celui-là, mais je trouve pas là. Je me branle sur ta mère, sur ta grand-mère, sur toute ta famille, ou je sais pas quoi, là. Non, attends, c'était quoi? C'était je déterre ta grand-mère, je baise ta grand-mère et je la réenterre. Ah, mais ça, c'est encore autre chose, ça. Et puis, il y a celui-là, je passe, et au passage, non, je te casse tous les os, et au passage, je t'encule. Ouais, je sais plus où il est, celui-là. Oh, il est bon, celui-là. Mais ça fait pas longtemps qu'on l'avait fait, celui-là. Espèce d'enculé, vas-y, je te casse, je te démonte, je sais plus quoi. Bon, il y en a tellement. Bon, bah, t'as eu ta dose ou t'en veux encore un petit, ouais, là? Non, c'est bon, je vais pouvoir dormir tranquille. Bon, alors, ça va. Ah, sinon, je vais celui-là. Enculé à. Ah voilà, je crois que c'est celui-là. Va niquer ta mère. Ah non, c'est pas celui-là, merde. Mais je vais me masturber sur ta sur ta gueule, le gros PDA, tu vois. Ah, non, je vais le mettre, on vient de le mettre celui-là. Je me casse sur les couilles là. Non, c'est pas celui-là. Fils de putain là. Non. Elle va vous faire soigner. Non, c'est pas ça. Si je te mets la main sur ta gueule, non. Tu veux que je te fasse une tête au carré, ah, excusez-moi, je cherche. Hein. Tu viens ici, je te boire ta gueule. Non, c'est pas celui-là. Va te faire foutre, connard. Non. Petit fils d'enculé. Ah, voilà, ouais. Fils de putain même. C'est pas ça. Attends. Tellement que je vais te violer, après je vais te chier à la gueule. C'est pas celui-là non plus. Et je vais te chier à la gueule, moi, tu vas voir. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est pas ça. Vraiment une voix de ta fiole, hein, quand même. Ah, je crois qu'on y arrive là, non? Culé de tarasse. Non, c'est pas ça non plus. Ah, ah, ah. Ta maman, elle a un gros cul, ta soeur. Ah, j'ai trouvé. Attendez. Je vais te prendre et je vais te baiser pendant 11 heures, mon gars. Voilà, et puis après, il y avait eu celui-là. Je te brise les os, mon gars, et je t'encule au passage. Voilà, alors, pendant 11 heures, je vais te péter en levrette, tu te trou du cul. Voilà. Bon, et t'imagines tous ces gens qui demandent, parce qu'il y en a plein d'auditeurs qui disent ouais, pourquoi vous mettez pas l'essence sur l'application? Bah, parce qu'on va se faire virer de l'Apple Store. C'est juste ça. Une portable. Ouais, bah en plus, ouais, mais c'est ça. On vous en donnera quelques-uns à l'occasion qu'on décidera à bon escient. Ouais. Oh, qu'on vous vendra. Bon. J'adore. Non, on n'est pas des enculés, nous, on va pas vous vendre ça pour quelques centimes, hein, non, vous inquiétez pas. Non, ce sera gratuit, bien entendu. Bon, bah merci en tout cas. Merci à toi, Camélia, j'ai parti. Merci à Dylan et puis, bah, Mickaël et François, bah, vous avez on votre. Peut passer une petite dédicace. Ouais, mais vous avez surtout votre destin entre vos mains. Ouais, il mérite pas de dédicace. Il mérite pas de dédicace. Mais si, vas-y. À une seule personne, ouais, okay. Hein, attention. On fait une petite dédicace à Ratatouille, Pépito et tout ce dénalage. Très bien, ouais. Le message et ben surtout à vos meufs, ouais, ben, elles vont être contentes en plus. Hein. Elles vont être ravies. Oh, merci pour la dédicace, mesdames. Ah, c'était trop gentil. Elles sont capables. Bon, allez, salut Dylan, salut Mika, salut François. Ciao, allez, à bientôt tout le monde. On aura Léna dans quelques minutes, la réponse à la colle avec Olivier dans quelques instants. Et puis on va se faire les appels de Toff là aussi. Ah. Hein, très à la bourre là, du coup, avec toute cette histoire là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu es enculé, toi. C'est une possibilité, effectivement, je pourrais le dire, mais c'est pas ça que je voulais dire à la base, là. On va faire les appels maintenant, puisque grâce, encore une fois, à notre ami Cameron Diaz, qui a encore dit pas mal de choses intéressantes. Comme toujours, une femme très intéressante, ouais, je trouve. Notamment que si les meufs avaient des poils autour du vagin, c'est qu'il y avait une raison. Oui. Dans l'idée, c'est pas con, hein. Non. Et c'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas y toucher. Voilà, dans l'idée, ce n'est pas con. Donc du coup, on appelle des gens depuis tout à l'heure, afin de, bah, de leur demander si elles aussi ont des poils autour du vagin. Exactement, enfin, allez. Ce qu'elles en font surtout. Ce qu'elles en font, effectivement. C'est parti, merci pour tous les numéros que vous nous avez envoyés, hein, sur le Facebook, là. Sur le mail de Toff, pardon, toph@funradio.fr. On y va et on en profite maintenant, on va en écouter Rebelle, Rebel avec Black Pearl. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous gardiez vos poils, madame. Et toi, ta gueule. Je m'excuse madame, mais je comprends pas. Par contre, ça a l'air très sympathique le programme qu'elle regardait. Hein. Ouais, c'est... On aurait dit une épopée. Non, c'est sympa. Bon, rappel. Allez, c'est parti. Et le shérif peut te faire cocu avec Laura dans quelques minutes là. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme gardait ses poils ou pas, monsieur. T'es con ou tu le fais exprès? Mais pas du tout, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Hein? C'est n'importe quoi, Lou. Mais pas du tout, monsieur, enfin. De quoi? Bah, tu peux répéter la question, là? Bah oui, je veux juste savoir si votre femme, elle garde ses poils ou pas, monsieur. Ouais, bah tu viens me le dire ici, là? Mais pourquoi je vous le dis chez vous? Bah écoute, tu fermes ta gueule ou tu viens me le dire ici? Et je vais te faire voir qu'elle garde ses poils, tu vas voir, connard. Ah bah voilà, c'était suffisait de le dire, monsieur. Ouais, allez, va te faire aimer, voilà. Ah bah non, monsieur, mais enfin... Va te faire aimer? Quelle politesse. Oh, quel homme charmant. Gentil, monsieur. Bon, on le rappelle encore un bah petit oui, coup. Bah oui, il là. A l'air un peu énervé, faut que je le calme. Bah oui, minuit 35, c'est parti, on continue. Oui, mais... Allô? Bon, ouais, tu vas m'emmerder longtemps, là, ce soir, là? Bah, non, monsieur, mais enfin, c'est vous qui êtes mais un petit... attends, monsieur, t'arrêtes de m'appeler monsieur, et puis tu me lâches, là. Bah oui, mais vous êtes un peu désagréable, quand même, monsieur. Bah, plutôt, je suis plutôt désagréable, et toi, tu m'emmerdes, là, ce soir-là. Mais pas du tout, monsieur. D'accord, bon, allez, lâche-moi, là. Lâche-moi, attendez, là. Je vous appelle allez. Gentiment pour vous poser une question. Oui, bah, va te faire enculer, hein. Je pense que c'est bien résumé comme ça, là. Oui, je allez. Pense. Bon, bah, minuit 35, Aline qui dit ça défoule bien ce soir, là. Trop fort, je suis plié, heureusement, qu'il y a personne avec moi. Non, bah, au moins, il verrait qu'il y a quelque chose à écouter le soir à la radio. Il y a John aussi, énorme, le best-of des sons comme ça. Et Hugues également, pour un coup, va plutôt baiser ta meuf, et voilà. Ce n'est pas une mauvaise idée. Merci, Hugues. Allez, restez sur Fun Radio. Je vous l'avais promis. Le son de Rival maintenant, avec Black Pearl. On aura les teubés de la télé avec 30 minutes de retard. Bah oui, bah, ce sont des choses qui arrivent. Il y aura aussi le résultat avec Olivier et la colle de ce soir, savoir qui va repartir avec l'écran plat. Il vous reste donc 3 minutes pour vous inscrire sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Venez nous rejoindre. Le chéri, je peux te faire cocu, c'est après Rebel maintenant et Black Pearl sur Fun, bienvenue. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit, Mickaël, sur Fun Radio. C'est Fun Radio avec le son de David Guetta dans quelques minutes et Showtech, ce sera bad. Allez, restez là, minuit 39, on va se faire les teubés de la télé là et on va parler de Bienvenue Chez Nous. C'est les candidats qui découvrent qui, en fait, ils sont pas seuls, en fait. Ouais. Vous allez voir. Je vous explique, à chaque fois que vous voulez rentrer dans votre chambre, je sais que ça peut paraître un peu idiot, mais vous frappez. Parce que dans cette chambre, il y a une jeune fille qui est décédée. Oh, moi je m'en rappelle. Et qui aime pas être... il faut toujours être gentil, la prévenir, etc. Mais on l'a prévenue avant, vous inquiétez c'est pas. C'est une blague. Ah ouais, bah c'est bienvenue, hein. Bienvenue chez nous, hein. Ah oui, c'est sympa. Ah, ils ont très bien envie d'aller chez eux. Grave. Bon, et si vous n'avez pas d'amis, eh bien là aussi, j'ai la solution. Deux japonaises se sont donné rendez-vous. Des amis de longue date. Pas du tout. Car à la fin de la journée, c'est là, à droite, payera Louli à gauche pour le temps passé ensemble à papoter. Louli est une amie à louer. 40 euros de l'heure. C'est le prix de l'amitié au Japon. Ouais, c'est ça. Tu peux choisir, tu peux louer une meuf et en fait, elle, bon, pas de sexuelle, bon, a priori en tout cas, mais c'est pas vendu comme tel, mais tu peux la voir comme amie, ouais. Hey, je veux bien qu'on me loue pour 50 euros de l'heure, moi. Ouais, bon, enfin bon, faut pas t'emballer non plus. Hein. Et puis dans les anges, on apprend qu'il existe une nouvelle langue et ça, c'est bien. Linda, en anglais, c'est quelque chose. Attends, je prends deux secondes. Américain, c'est pas anglais, ça. Je prends C'est pas de l'anglais, c'est de l'américain. Pardon, je prends deux minutes pour Linda. Alors. Ouais, c'est pas de l'anglais, c'est de l'américain. Donc nous nous cocherons tous moins cons et c'est le principal également. Il faut savoir que les Américains ne parlent pas anglais. Tout à fait. Il y a Olivier avec nous là pour la colle. Olivier, t'es de retour? Ouais, je suis là. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant quelqu'un qui a donné la réponse par SMS ou sur le Facebook. S'il décroche et qu'il donne la bonne réponse, il gagne du père. Et si jamais il ne décroche pas ou qu'il ne donne pas la bonne réponse, à ce moment-là, c'est toi qui gagne. On y va, c'est parti, on l'appelle. Il y aura le chéri, je peux te faire cocu juste après. On aura Léna également, là. T'es déjà là, Léna? Non. T'es là, Léna? Oui, je suis là. Très bien, alors bouge pas, Léna. Attends, on appelle vite fait pour la colle. Là, bouge pas. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Pauline. Salut Pauline, c'est Mickaël. Colline ou Pauline? Pauline. Pauline, d'accord, ok. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, Pauline. Je t'appelle pour la colle. Salut. Salut Pauline. Tu as quel âge? Je suis dans quelle ville? J'ai 25 ans et j'habite à Weimar, dans les Val d'Oise. Très bien. Bon, Olivier? Oui. Fais péter la colle pour Pauline. Salut Pauline, alors la question, salut. Quel est le meilleur filet de pêche au monde? C'est le string. Eh bien joué. Parce qu'il est plein. Parce qu'il est quoi? Parce qu'il est plein. Dedans, il y a le barbu, la moule et la raie. Oh. Oh, la grande classe. Ah bon. Ouais, ça c'est où? Eh ben, Olivier, on était bien là. Ah ouais, c'est sans l'écran plat que tu pourras regarder chasse et pêche, malheureusement. Ouais, exactement. Hein. Bah ouais, c'est dommage. C'est Pauline quand même. Eh ben voilà. Et Pauline, bravo l'écran plat pour toi, hein, bravo. Eh ben super, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est pour toi, pour ton mec, pour la famille, c'est pour qui? Mais ça va être pour moi. Non, parce que t'as bien raison, sois égoïste, mais t'as plus que raison, Pauline, évidemment. Bon, eh ben je te fais des gros bisous, Pauline. Eh ben moi aussi, Mickaël, je t'embrasse très fort. Salut, Pauline. Et puis, Olivier, bah tu reviens et tu rejoues avec nous quand tu veux, ok? Voilà, y a pas de problème, je vous appelle souvent. Ah bah tant mieux alors, parfait. Okay. Salut Olivier, à bientôt. Salut. Ciao. Et Léna, dans quelques minutes, on va parler de quoi avec toi de Nancy, là, Léna? Bienvenue. Salut Mickaël. Ça va, hein? Alors voilà, je t'appelle parce que j'aime la sodomie, mais je ne trouve pas ça normal. Ça fait 6 mois que je suis avec mon copain. Ouais. Et il aime aussi se faire pénétrer. Parfait. Eh ben, voilà. On est bien là, on est bien. Non, si, on va en parler dans quelques minutes. Donc, les garçons, les filles, là, si vous avez déjà pratiqué la sodomie, surtout les garçons dans l'idée, hein, eh ben, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, on va en parler. Mais avant cela, il y a un moment, faut le faire. Hein. Il faut, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu maintenant avec Laura qui est avec nous là. Comment ça va, Laura? Salut tout le monde, ça va et vous? Bah écoute, ça va, t'as passé une bonne journée? Ouais, tranquille. Très bien, tu fais quoi dans la vie? J'élève ma petite fille. Oh, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lilou. Oh, quelle horreur. Non, je plaisante, je ne sais pas. Ça va, c'est pour rire, je rigole. Oh, elle a quel âge? Quel âge est là?

gueule. Bon, écoute, alors je vais te dire un truc. Tu sais quoi? On va arrêter là, hein. Je pense que la discussion est dans un cul-de-sac. Non, mais je m'en bats les couilles. Voilà, à défaut d'être dans un cul, on est dans un cul-de-sac. Ouais, c'est ça, ouais. Et écoute, je vais te donner une chance de. Je vais te donner une chance de. Bah attends, je suis quand même responsable régional de la DDE de la Somme. Au pire, tu veux une médaille ou quoi? Comment ça se passe? Non, ça va, je suis content. Non, ça va aller, ok. Non, mais c'est pour ça en fait. Non, parce que je vais bientôt être promu. Je vais être à Paris. La capitale. Quoi, Paris? Tu me dis t'es Amiens, après. Mais non, je dis que je vais bientôt être promu. Oh, qu'il est con. Je peux pas parler avec lui, il est complètement con. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il a deux tronches. Je m'en bats les couilles. Il est complètement con. Je m'en fous. Non, mais Laura, mais comment tu fais? C'est pas comment tu fais, il est complètement con. Je peux pas parler avec lui, le mec ne comprend rien. Je lui donne le nom de la rue, passe-la-moi. Il dit que je vais être promis, il croit que j'habite à Paris, il ne comprend rien, ce mec est con. Tiens, je te le repasse. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Allô, vas-y, passe-la-moi. Oh, qu'il est con. Ta gueule, putain, passe-la-moi. Allô. Hé, repasse-le-moi. Attends, non, non, mais tu le... Non, non, c'est mort, là. Allô. Putain, encore lui, oh là. Hé, dis-moi, est-ce que tu pourrais t'excuser pour toutes les méchancetés que tu m'as dites? Non. Si, bah si. Non mais tu t'excuses et je t'annonce une bonne nouvelle. Non mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est ça? Ah non pas du tout justement. Bah alors si tu t'excuses, je ne fais rien avec elle et en plus je t'annonce une bonne nouvelle. Non mais c'est mort, tu rêves là mec. Bah, alors je la baise. Bah non c'est mort, aucun des deux là. Bah si, alors soit tu dis voilà, bon Michel ok on s'est emballé, je m'excuse, je t'annonce une bonne nouvelle, il se passe rien avec elle et tout va bien. Ou alors bon bah c'est quoi ta bonne nouvelle là? Bah je vais te le dire mais il faut d'abord que tu dises bon bah Michel je m'excuse, ok. Non, je mais me c'est moi, tu m'as pris pour un troufion quoi, vas-y accouche. Non, bah vas-y dis-moi, bah, je m'excuse, c'est pas grave. Mais c'est mort, t'as cru que j'allais m'excuser un pauvre type qui veut baiser ma meuf? Mais justement fouilles, quoi. Donc alors simplement parce que t'es un but toi-même, tu préfères que je la baisse plutôt que de dire bon allez c'est bon je m'excuse, allez on passe à autre chose. Vas-y je m'excuse, comme ça je serai content. Dis-moi vas-y. Je m'excuse Michel, je me suis emporté. Je m'excuse Michel, je me suis emporté, voilà. Oh le bouffon. Bon, t'es en direct sur France Radio, François, c'était le chéri, je peux te faire cocu. Wow, sérieux. Oh, tu t'es excusé. Oh, le bouffonte. Putain, vous êtes sérieux là. Oh là là là. Ah oui, on est sérieux, ouais. Putain, les salauds. Mais oui, c'est vrai. Surtout tough, hein. Je vois que c'est tough, t'es au PH. Désolé pour l'insulte. Ah, tu vois, maintenant il s'excuse vraiment, c'est bien. Bon, merde, putain, avec ça, j'ai oublié de parler de ton pif. Avec plein de points. Oh, mais attends, on recommence. Attends, on fait semblant. Hop. Hé, Yon, t'as ton pif rempli de boutons noirs là. Ouais bah vas-y viens me les éclater s'il te plaît. Parfait. Au moins comme ça j'ai pas gaspillé le truc quoi. Bon alors du coup tu veux le casque DJ Focal ou tu veux le smartphone Arcos Laura? Bah le smartphone. Eh ben très bien, on va te filer ça sans problème. Eh alors. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Salut Laura, salut François, à bientôt tous les deux. Ciao. Salut. Bon, il y a plein de messages, il y a Damien qui dit énorme le chéri, je peux te faire cocu à l'instant. Anaïs aussi, le chéri, je peux te faire cocu, il est super. Nadia également, le prince, très bon chéri, je peux te faire cocu ce soir. Ouais, il était pas mal, j'avoue. Léa également, là, tu feras moins le malin, là, tu feras moins le malin. Bah oui, vous ferez moins les malins. Et Drakit, les magnifiques, et Mickaël sont toujours kiffants. Alors, ce n'est pas moi, c'est Michel, hein, ne pas confondre, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Tu feras moins le malin pour Léa. Il y a Bilmus également, là, Michel au top, avec les ça donne envie de le tuer. Oui, même moi parfois en les faisant, je me dis mais putain, qu'est-ce que je dois être relou quand qu'est-ce même que là. Ce mec est relou. Ah putain, clairement il est amoureux le mec hein, pour s'excuser, c'est clair. Et Priscilla également qui dit enchanté, mais je vais te défoncer. Oui, il était très sympathique le monsieur là, très cool. Allez, restez sur Fun Radio. Retour avec Léa dans quelques minutes. Thomas également qui voulait réagir à Claude. Il y aura également Thomas, il y aura un autre, donc un deuxième Thomas en l'occurrence. Et puis Jérôme aussi. Tout ça est prévu avant 2h du mat, bien entendu. Je vocale également le son de David Guetta, découvert sur Fun Radio dans Party Fun, tous les samedis soirs sur Fun Radio. David Guetta et Showtech maintenant, c'est Bad sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct. Quand on a une passe en micro, ça. Vous, on est en direct tous les soirs sur Fun de 23h à 2h du mat. Allez, Alexis qui dit trop bien le chéri, je peux te faire coquille tout à l'heure. Ah, il était cool, ouais. Terenesis également. Moi, j'aime bien les Hawks, il est con. Bah oui, mais bon, après, il a cherché un peu. Et Fredes34 qui dit la musique d'anniversaire, please, pour mes 25 ans. Non, bah bon anniversaire, Fredes34. Voilà. Bon anniversaire à toi et puis à tous les autres hein, qui sont nés hein, quoi, quel jour 8 avril. N'oublie pas que dans 11 jours c'est mon anniversaire hein, Polo Toff. Le cadeau je parle hein, c'est juste pour ça après pour le reste. Ouais. T'es pas obligé de me le souhaiter, ça je m'en fous. Hein, c'est, bien sûr. C'est juste pour le gift. Bien sûr. Voilà. Bon, il y a Nadia également, la plus grande question existentielle du monde, c'est pourquoi tu m'appelles en masqué ? Oui, alors ça c'est à tous les coups, hein. Canular, chérie, je peux te faire cocu, c'est toujours pareil. Et Edouard qui dit tous les matins je me dis arrête d'écouter Mickaël tard, mais chaque soir je recommence, continue comme ça. Enfin une émission de bien. Merci Edouard. Ouais. Et puis bon bah désolé hein, pour toutes les matinées où tu galères, où tu te réveilles, où tu dis oh putain, je suis claqué. Mais dis-toi que nous on pense pas du tout ça parce qu'on se lève à midi hein, donc on est non mais nous on va bien hein, je veux dire à ce niveau-là on est plutôt tranquille. Bon, avant de prendre Léna pour parler de sodomie, faisons notre régime. Ah voilà, parce qu'en plus il y avait Thomas qui voulait parler régime là d'Ivry là. Salut Thomas. Thomas. Non, Thomas dort. Et non, il s'est endormi. Oh putain, il fait du bruit hein. Thomas, il s'est endormi. Ouais. Mais oui, t'entends pas. Oh mais ils sont fatigués. Ouais, quelle horreur. Il y a école demain. Comment on peut dormir avec ça? Oh merde. Oh je déteste. Le gars s'est endormi quoi, ça fait deux fois. Allez, par solidarité. On le réveille ou pas? Attends. Oh, je peux taper des gens pour ça. Je lui mets à fond dans le téléphone là. Ah, il dort hein. Donc ça c'est un enregistrement de Polo hein. Quelle horreur. Bah il dort c'est ce que je te dis. Non mais sinon on raccroche, on le rappelle. Et comme c'est à côté de son nom. Ah ouais, attends, on va raccrocher ouais. Attends, je vais l'essayer. Thomas d'Ivry. Ah, ils sont morts. Non, non, là, je pense qu'ils dorment bien. J'y ai cru. Bon, attends, on raccroche. Attends, on va le rappeler en direct, on va le réveiller, on va le sortir du lit là. Il va pas décrocher, je crois qu'il va en haut. Non, il va forcément sursauter. Ouais, moi je m'endors, je me réveille et pff, je raccroche, hein, je m'en branle. Hein. Attends, on va le prendre. Ouais, Thomas, machin. Problème normal. Ah, ouais, t'inquiète. Ouais, enfin, je crois qu'on va rien prendre par le répondeur. Attends. Oh merde. Oh putain. Et on n'arrive pas à le réveiller donc. Oh c'est ouf ça. Ah merde, je voulais laisser un message sur le répondeur moi. Ah mais j'avais coupé comme il donnait le numéro. Bah oui mais t'inquiète, je gère. Bon attends, on va le rappeler encore un coup du coup. Attends, bah tu sais quoi, appelle-le en antenne, laisse-lui un message et puis on le reprendra demain au pire, c'est pas très grave. Bon alors régime, alors je peux vous dire ce week-end, ça s'est pas trop mal passé sinon qu'on m'a offert un mojito ce midi. Ouais. Ah là là, le drame. Bah ouais, mais c'est un cadeau, je pouvais pas faire autrement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, ça se refuse pas. Bah c'est ça. Donc du coup, surtout ben un cruchon comme celui-là. Ouais, bah c'était un jumbo, hein, donc c'était assez violent quand même. C'est hein, la cruche du mojito. Ah, ouais, c'est ça, et dans un pot de cornichon, c'était d'une violence. Enfin bon. Bon bref, tout ça pour... Il était très bon, soit dit. Donc tout ça pour ça dire que depuis. Londres où ils t'ont servi deux vases. C'est deux vases. Oui, on a été à Londres, on a été à Birmingham pour être précis. Birmingham, et donc ouais. J'avais demandé un mojito, ils m'ont dit ouais mais pour genre 2 euros de plus, enfin 2 livres de plus, t'en as deux. Bon, je prends deux alors. Et ils m'ont sorti deux vases. Mais c'est des vases de. Mais en plus c'était de la 5 merde. Litres. Ouais, ils étaient dégueulasses. J'en ai bu un. C'était un prémix tout fait que le mec qui mélangeait. Mais même ça goûtait même pas le mojito, enfin c'était scandaleux. Bref, donc du coup depuis la semaine dernière on a trouvé un régime ventre plat. Attention, on n'est pas à la recherche de la perte de kilos, mais bien de tour de taille. Donc, en résumé, Polo était à 104, il est monté à 105, 104. Non, 104, 105. Après, je suis redescendu à 104. Mais c'est ça, excusez-moi. D'accord. Et donc, moi, j'étais à 92 au dernier pointage. Ouais, mais j'avais commencé à 94. 94, 95, 94, 92. Ah oui c'est ça, voilà, je suis arrivé à 92. Donc le mojito je crois qu'il m'a saigné ce soir. Enfin bon, on verra. Et Polo, Toff il est passé à 98, d'accord, ok. Bon alors attention, on y va, alors tour de taille. Il faut dire qu'il s'est fait une opération, il a arraché deux côtes. Ouais, pour gagner ça, ouais. Bon, on y va chez Polo. Parce qu'on n'oublie pas que la championne du monde, toute catégorie de prise de tour de. Par gentillesse, je l'avais écarté du concours. Parce que bon, Sandro est passé de 70 à 97. Voilà. À un moment, hein, faut quand même le savoir. Ah, non, mais on exagère, mais pas loin quand même. Là, elle est arrivée à 108 bientôt. Hein. Voilà. Ouais, 103 non. Je dois vous dire, j'ai tellement chié tout ce week-end. C'est beau ça, c'est beau. Bon alors 103, donc tu notes tout ça là? Ouais, je note bien sûr, j'ai mon petit tableau Excel au bureau, dans le bureau. Alors attendez. Oh merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Et ceux qui ne t'ont pas soutenu. Émission Polo contre le reste du monde, spécial régime. Oh c'est bon ça. Oh je suis content. Oh putain, tous ces efforts. Allez, putain, je suis en. Mais j'en peux plus de manger de l'ananas. J'ai la bouche. J'en fais 90. Ah oui. Ah oui. Quoi, t'as pris? Ah non, bah non, non 90, il a encore perdu encore 2 cm là. Et j'ai du gras encore, hein. Ah ouais. Regarde. Wouhou. Attends. 90 et j'ai encore du gras, hein. Je pourrais abuser à mettre 89, mais voilà. Allez, on mettra demain. Ah ouais, enfin si je perds encore, hein, mais on va voir. Ouais, pour moi, ouais. Voilà. Ah non, mais c'est trop dur. On est bon là. Ah ouais. Putain, si on 89. Fait ça pendant un mois. 89, on est bon. Alors, je me suis pesé ce week-end, j'ai pas perdu un gramme. Mais ouais. Pas un. Mais on perd pas. C'est votre plein. On dégonfle. Ouais. Non, mais je m'attendais quand même à avoir perdu quelques grammes, tu vois. Je me dis 500 grammes, peut-être un kilo. Rien. Ah, toi, il a encore perdu, ça se voit là. Ouais, pas il a sûr. Perdu ce que je regardais, ouais. Le profil. Ça ouais, pas sûr, hein, pas sûr. Hein. Non, 98. Oh. 98, tu vois, il a rien perdu. Hein. Pareil que jeudi. Ah, ouais, bah voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Je suis dans une belle chute. On fait pas la patate. La patata. Bon bah alors vas-y, moi allez, je voulais lui épargner la fiche, mais bon. Attends, faut que je trouve une excuse. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Bah tu t'es fait t'as mangé comme une grosse vache. T'as mangé un truc avec de la levure et t'as gonflé. Oui, ouais voilà, c'est vrai, ça. J'ai mangé de la levure. Non mais t'es malade non, mais et t'as dû prendre du. C'est le régime du camp. Qu'est-ce qui fait gonfler là? Le pain, la levure. Dans le médoc là, le truc. C'est pas la morphine, c'est. Non, l'autre. Ah les corticoïdes. Non oui mais c'est pas comment ça s'appelle, mais. Comment ça s'appelle? La cortisone. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce mot que je cherchais. Ouais, t'as dû prendre la cortisone. Bah oui, je suis. Bah malade. Oui, bah voilà, c'est ça, évidemment. Alors, on est passé. Attends, parce qu'on n'a pas les. Donne pas le résultat, mais on était à combien au tout début? On était à. Ah, c'est pas drôle, on ça. On était à combien au tout début? On était à combien au tout début? 72. Et après, on est monté jusqu'à combien? C'est pas drôle. On est monté à combien? 77 et ouais. On est redescendu parce que jeudi elle avait quand même perdu un peu. Ouais, 76 je crois, ou 75. Ouais. Ouais, bon, on a le tableau. Et alors aujourd'hui, il est déjà. Attendez. Non, mais attends, t'as attendez. Pas pris la mesure où il fallait, je l'ai senti. Bon, allez, viens. Attendez. Ladies and gentlemen. Rentre pas le ventre. Après un week-end. Non, tu l'avais pris là. Sur le nombril, arrête de tricher. Après un week-end. C'est top, tu le fais parce que c'est un nombril triché. Là, ouais. Tu prends là où je suis plus ronde. Alors attention, quel est le tour de taille de Sandro? Attention. Top, c'est pas drôle. Mesdames et messieurs, le mais tour non, de taille. Me sentais fraîche, là. Attends, je me sens. 95. Non. Non, tu mens. Mais t'es plus large que moi. Mais il ment. Je me sens super fraîche. 84. Ah, tu sais que je suis à 89, 90. Je suis à 5 cm de toi. Bah j'avais pris un peu hein, je l'ai dit. Ah bah oui, c'est pas un peu là, c'est-à-dire que t'as doublé là. Oui mais c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Vraiment, il faut prendre en compte ça. Moi j'ai des hanches. C'est pas du aussi. Ventre. Oui mais c'est bizarre parce que tes hanches elles s'écartent un peu plus non, tous les jours. Non, je suis faite un peu comme J-Lo. Et Kim Kardashian, tu vois. Non, comme Jimo. Je suis foutu comme J-Lo, c'est pas de ma faute. Donc en fait, je suis en. Quand tu regardes. En bouteille de Perrier. Voilà. Attends. Mais pas du ventre, du côté, sur le côté. Ouais, ouais. Mais attends, parce que moi, J-Lo, elle a pas de bide. Mais moi non plus. D'accord. Franchement, bon. Mais regarde, ça va. Non, c'est vrai, ça j'ai va. J'ai pris un peu, mais ça va, il est ouais, pas. Enfin bon, t'as quand même pris 12 cm depuis la semaine dernière. Bah oui, je suis d'accord. Attends, mais ça, c'est pas chaud. Possible, 12 cm. Tu peux pas prendre 12 cm en une semaine. Les chiffres sont là, hein. Non, mais les maîtres chinois là. Ne mentent pas. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre, mais que ah, des fois, bizarre, j'ai le ventre vraiment très très gonflé. Ça, je dirais presque que je suis enceinte. Et ah des oui, fois, bah, il est plus plat. Mais faut que tu pètes un bon coup, parce que c'est mais des gaz. Vrai, non, je pense que t'as gardé 2-3 gaz à l'intérieur. Ouais, peut-être. Bon, Léna est avec nous également. Je pense là, on peut relancer l'opération grosse vache, non? Ouais, non. Léna de Nancy, là, ça va, Léna? Oui, ça va. Bon, dis-moi, t'as quel tour de taille, toi, tu connais ou pas? Non, pas vraiment, non. Mais t'es plutôt du style maigre, moyenne, ronde? Non, pas ronde, non, moyenne. Moyenne, d'accord. Tu peux couper la radio, Léna, sinon ça fait de l'écho. Coupe, s'il te plaît, bébé. Voilà. Oh, bébé, c'est bébé. Mignon. C'est lui qui va se faire enculer? Exact, oui, c'est d'accord, lui. Et tu l'appelles bébé, c'est marrant. Non, mais... bah, c'est mon copain, quoi. Moi, je l'appelle petit gay, petit pédé. Non, non, mais c'est marrant que tu nous dis juste avant, il veut se faire enculer, etc. Tu coupes la radio, bébé. Bon, alors explique-nous, Léna, cette histoire-là, parce que là, on en a mais pas pourquoi dormi. Tu l'appelles pas l'enculé? Oh. Non, mais... En fait, bon. Ça fait 6 mois que je suis avec mon copain, on le surnomme Soutif. Et on le surnomme quoi? Soutif. Soutif, pourquoi? Soutif. Non mais j'ai compris, mais pourquoi? Bah parce que c'est une longue histoire en fait. De soutien-gorge. Exactement, oui. D'accord. Il a une paire de seins aussi gros que les miens. Quoi? Mais attends. Combien mesure-t-il? Combien mesure-t-il? Mais combien mesure-t-il exactement? Non, mais combien mesures-tu, Léna? En tour de poitrine? Non, en taille d'abord. Je fais 1m67. Combien pèses-tu? 53 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90 C. C'est comme c'est énorme. Et la taille d'un pantalon? C'est comme c'est pas mal. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? C'est comme c'est bien en fait. Taille 38. Ah oui, bah oui. Bonne. Bon, et le mec maintenant? Comment? Bon, alors combien mesure ton mec? Et combien mesure Soutif? Alors, tu fais un mètre combien Soutif? 1m50 bébé. Mais non, n'abuse pas, 1m75 je pense. Ah ouais, 75-80. Attends, je regarde sur ma carte d'identité. D'accord, et combien il pèse? Je fais 84, pardon. Donc 1m84? Non, 1m80, 1m80, 84 kilos, c'est ça? Non. Ah bon, j'ai 1m75, 84 kilos à peu près. Ah d'accord, ok. Ouais. D'accord, donc ça marche. Ton tour de poitrine? Ouais, c'est énorme. Ouais, 90 C? Ouais, même plus, je mais pense. C'est quoi? Tu fais de la muscu? T'as des pecs ou c'est du gras? Non, c'est du gros. Ça, c'est le McDo, c'est que du gras. Oh! Et la taille de ton engin? Combien mesure ton sexe? C'est assez chaud, parce que tu vois, vu que j'ai du bide, j'arrive pas trop à le voir, en fait. Ah, tu ne le vois plus? 17 cm! Combien? 17. À 17 cm. Bon, qu'est-ce très bien. Qu'il est gras? Qu'est-ce qu'il est gras? Après ça, tout ce qui est petit est mignon, hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, là, pour le coup, t'es pas avec un mec petit, quand même, parce que il fait quand même 75, ça va. Il est petit, mais gros. Bah non, mais bon, ça va. Ça dépend, parce que bon, là, il l'a avoué que c'est que du gras. Mais après, tu peux être balèze, hein, 1m75, ouais. 80 kilos. Bon, alors, du coup, tu nous appelais par rapport à la sodomie, toi. Mais alors, c'est-à-dire? Voilà, moi, c'est mon kiff, j'adore me faire sodomiser. Ah bah c'est bien, avec plaisir. Mais voilà, ça fait 6 mois que je suis avec lui et qui. Mais ça m'a paru assez choquant. Ouais. Il aime se faire enculer avant moi. Quand t'appelles ton mec Soutif, après te pose pas trop de questions non plus. Mais il a des penchants homosexuels? Bah apparemment non. Il me dit qu'il est hétéro, mais je doute. Qu'il est hétéro? Oui. Donc il est hétéro. Il est hétéro. D'accord. Ok. Bon, il est très bien. Mais bah oui, mais après peut-être qu'il aime bien aussi. Tu sais, il y a des mecs qui aiment bien qu'on leur mette un doigt dans le fion, par exemple. Ouais. Voilà. C'est vrai. C'est le top. De quoi? D'avoir un doigt dans les fesses? Ah si. Il faudrait que t'essayes ta femme, franchement. Non, ça ira personnellement. Enfin, déjà essayé lui. Hein. Oui, c'est pas mal, mais il faut pas en abuser non plus. Non, c'est pas le doigt dans le cul qui est bon, apparemment, c'est la prostate, c'est le toucher de la prostate. Ouais, mais tu y arrives comment, la prostate, avec un doigt dans le cul? Mets-toi dans le cul, mais oui, c'est pas le fait d'avoir un doigt dans le cul qui est bon, en fait. Paraît-il. Ouais. Bah, c'est de prendre le bananier dans le dos. Voilà, par exemple, si tu veux. Bon, et donc, du coup, mais Léna, qu'est-ce qui te dérange à ça? Pourquoi tu mets pas un double nom, un god ceinture? Le truc qui la dérange, c'est qu'en fait, c'est plaisir.fr. Bien sûr. Tu dis Soutif? Ce qui me dérange, c'est justement qu'il kiffe plus que moi. Et que d'abord, il commence tout le temps. Et c'est ce qui me saoule. Mais comment ça, il commence tout le temps? Ah, il faut toujours que ce soit toi qui démarre. Mais tu l'encules comment? Avec un goût de ceinture? Bah, même mes doigts aussi, hein. Ouais, c'est bizarre votre relation quand même, hein. Non, mais bon, ils aiment se faire plaisir mutuellement. Arrête de dire de la merde, c'est dégueulasse. Oui, c'est de ça qu'on parle. Nous, on aime ce qui est costaud, hein. Oui, non, mais, non, mais peu ouais. importe. Non, mais après, ça me pose pas de soucis. C'est juste que c'est bizarre. Pourquoi c'est... Mais vous faites autre chose quand même. Bah, bien sûr, hein. Oui, parfois je lui rends d'autres objets, des concombres. Non, mais tu vois. Non, non, non, n'abusons pas, pas les légumes. Hein. Ah, non, pas les légumes. Voilà. On a mis une chaise, mais pas les légumes. Ne chie pas où tu manges. Voilà. Ne chie jamais où tu manges. Ouais. Bon, alors Léna, reste avec nous. On va... Attends, Léna, reste avec nous deux secondes. Et il faudrait vraiment que tu reprennes le téléphone. Hein. Je sais, il va pas entendre, c'est chiant, mais parce que sinon, on comprend pas ce que vous racontez, d'accord. ni l'un ni l'autre, en fait. Il y a que moi qui ai entendu la dernière phrase. Non, c'est je quoi Je reprends le téléphone. D'accord. Elle a dit, je lui mange le cul aussi, il adore. C'est ce que t'as dit, Léna? Comment? Est-ce que c'est ce que t'as dit? Oui. C'est un mot qui m'avait échappé. Non, mais c'est bien aussi. Probablement le plus important de la conversation, c'est dommage. Bon, alors les filles, les garçons, bah, appelez-nous là pour avoir des avis par rapport à Léna. 01 42 48 5000, je pense qu'on va nous faire l'émission là. Et pour la Belgique, 02 851 4x0, n'hésitez pas à nous appeler. On aura Thomas dans un instant, on aura Claude également le retour, Geoffrey qui voulait réagir par rapport au poil. Et puis Jérôme, bref, tout ça avant les appels de Toff d'ici un petit quart d'heure. Et le temps d'écouter également le son de Clean Bandit maintenant. Rather Be sur Fun Radio. Il y a Priscilla qui dit n'abusons pas, on touche pas aux légumes, mort de rire. Oui, voilà, c'est ça, n'abusons pas non plus, hein, les légumes sont là, tout va bien. Allez, continuez à réagir, hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et Clean Bandit, comme promis, au cœur de la nuit sans pub, c'est Rather Be. We're a thousand miles from comfort. If I could give you, there's no place I'd rather be. Clean Bandit sur Fun, Rather Be. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct avec Sabrina qui dit les doigts, ouais, chacun son truc en même temps. Bah oui, en fait, c'est ça. Victor sur le Twitter qui dit je me fais engueuler par mes profs tous les jours parce que je dors en cours à cause de vous. Qui ça vous gérez la fougère. Merci Victor. Ellie également, franchement, faut essayer le doigt dans le cul là, ça fait plus bandé ou ça fait plus bandé. Non, ça fait plus bandé. J'imagine que c'est plus, Eddy. Et Dave Dead 45 qui dit moi je suis fidèle et pour le moment je ne tromperai pas ma meuf pour une seule occasion, c'est parce que je l'aime trop, big up à elle. Voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et Damien qui dit c'était mon anniversaire dimanche, est-ce que je peux avoir la petite chansonnette? Ouais, ok, exceptionnellement parce que on n'était pas là dimanche. Voilà, je te la mets, bon anniversaire à toi. Et Adine qui dit ça défoule bien ce soir, trop fort. Cool, merci. Voilà. Voilà, jusqu'au bout. Voilà. Bon, et alors il y a Fritri Alba qui dit Mickaël, ça va être chaud le 20. Ah ben je confirme, je rappelle que le 20 avril on fera l'émission, c'est un dimanche soir 20 avril, on fait l'émission en direct de la Fritri Alba chez l'auditeur qui s'appelle Fritri Alba sur Facebook d'ailleurs. C'est à Charleroi que ça se passe, on vous donnera l'adresse exacte, on la mettra sur le Facebook. J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir. Bah, tous les auditeurs qui sont déjà en Belgique, à Bruxelles, à Mons, à Dour, à Charleroi évidemment, à la Louvière. J'espère que vous allez passer nous voir évidemment. Et puis bah tous ceux qui sont également dans le nord de la France, hein, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est pas très loin. Et puis alors faites attention parce que si vous prenez la E19 de Valenciennes, ils ont mis un radar pour les travaux et il marche. Ah, pourquoi tu l'as testé? Ah oui, bah j'ai déjà reçu la prune et tout, hein, donc voilà. Mais il fonctionne bien. Donc, attention, je sais pas si le 20 avril il sera encore là, mais méfiez-vous. Beaucoup de travaux à la frontière et puis quelques kilomètres plus loin, paf! Le petit radar. Donc voilà. Enfin, le petit, il est énorme, mais je l'ai pas vu. Bon, donc voilà. Donc comme ça, vous savez tout. Si vous passez nous voir 20 avril, on sera à Charleroi. On fera l'émission en direct de la Friterie Alba. Et Nadia Le Prince qui dit moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie les doigts, mais peu l'avoue. Ensuite, c'est juste mon avis. Oui, bah, c'est effectivement ça, Nadia. Hein. Bon, retour avec Léna, Romain qui voulait donner son avis également. Et avant ça, il y avait. Ah, et Claude, t'es toujours là, Claude? Ouais, je suis là. Bon, il y a Claude, 34 ans. Il y a Thomas, 18 ans également, là, Deslandes. Salut Thomas. Salut Mika. Ça va? Ça va, nickel. Bon, tant mieux. Alors Thomas, tu voulais réagir à Claude, toi? Ouais. Mais j'aimerais juste qu'il me rappelle un peu le problème, parce que ça fait enfin, j'attends depuis longtemps, donc j'ai tout à faire. En fait. Ah bah alors, Claude nous appelle parce qu'il a 34 ans, et sa meuf veut pas avoir de relation sexuelle avec lui alors qu'elle en a 13. C'est ça Claude, hein? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, bien sûr. Alors voilà, Thomas. Ouais. Bah en fait, après c'est normal quoi, parce que bon, elle a 13 ans, enfin moi, remarque, j'ai 17 ans, bon je suis sorti avec des filles de 13 ans. Non mais attends Thomas, je t'interromps. Oh là là. Non mais je t'interromps immédiatement, mais t'es en train de donner un conseil parce que tu crois vraiment à son histoire. Ça c'est beau. Non mais je sais qu'il a pas 34 ans. Ah d'accord, après, non mais me voilà rassuré. Non mais me voilà rassuré. Alors vas-y, du coup on t'écoute. Ouais ouais, en fait bon après moi je trouve ça normal quand même qu'elle veut pas le faire parce que bon à 13 ans bon c'est pas la joie, enfin c'est dur à accepter quoi, enfin pour les filles surtout, nous les mecs on s'en branle parce que ça se voit pas. Non mais bien sûr. Eh hey, Claude. Ouais. Hey, bon, si elle veut normal. Si elle ouais ben reprends ta voix normale, ça change pas de toi tout à l'heure, t'inquiète pas. Mais Claude, hey, si elle a pas envie, faut pas la forcer, il faut pas hey, j'espère que tu lui as pas fait un chantage genre hey, si on couche pas ensemble, je te viens. Non mais mon but c'est vraiment de passer pour un pédophile au début en fait. Ah ouais parce que ça s'est pas entendu Claude. C'est pas crédible en fait. Ah ouais pas vraiment ouais. Ah je me suis fait capter dès le début donc. Non ouais. Mais non attends. Mais non. Comment t'as pas 34 ans? Et c'est pas drôle. T'as pas 34 ans Claude? Non. C'est pas vrai. Oh, putain, oh tu nous as bien baisé là. Ah la grave. Au figuré hein bien sûr. Non mais voilà, hey, tu nous as bien niqué parce qu'on y a cru, même sans drôle, on m'a dit putain le mec il a une voix de 34 ans et tout là. Ah bah ouais là tu l'as. Bah du coup on va la virer Claude à cause de toi là. Ah bah oui il faut la virer tout de suite. Elle a comment faire son travail. Exactement ouais. Bon donc du coup Claude tu sors pas avec une meuf de 13? Bah actuellement si ouais. Ah et tu veux coucher avec elle? Peut-être pas encore, non. Ah, donc en fait tu veux même pas. Oh là là. Donc en fait tu nous as appelé pour rien. Ouais c'est ça en fait Claude. Oui juste pour faire le pédophile qui est là. Mais pour c'est pas drôle ça. Claude. D'accord, okay. Claude oui. Y a des choses on rigole pas avec ça. C'est pas bien Claude. Tu pourrais te faire passer pour un gros connard comme Toff. Là ouais là ça aurait été bien. Ou un sac de pute. Bon essaye de un nous enfant rappeler. De pute tu peux. Tu voilà. Nous aurais dit je suis curé là d'accord. Mais non voir sinon ta non mère, enfant de putain, ouais. Voilà. Bon hé Claude. Ouais. Claude, ça, ce que tu peux faire, c'est ça. La prochaine fois, essaie de nous rappeler. Et puis, tu transformes un peu ta voix comme t'as fait tout à l'heure, là. Et t'essaies de te faire passer pour, j'en sais rien, moi, tu sais, un enculé comme Toff. Ok, pote. Et pour voir si on va griller ou pas. D'accord? Ouais, je peux faire des dédicaces? Non. Non, tu mérites pas parce que tu as pas mérité, des choses, on rigole pas avec certains. Non, il faut que tu sois bon la prochaine fois et là, tu pourras en faire deux même. Ok. Bon, okay. Dédicace au collège Barcelona. Eh, t'as vu, Claude, t'as vu comment t'es? T'as vu comment t'es, Claude? Tout ce que tu mérites, c'est ça. Et je t'en mets une deuxième. Et même une troisième. Et je te mets un coup de pelle sur les fesses. Voilà. Elle est au lit maintenant là. Salut Claude. Sale doux. Ouais, je vais finir mes devoirs. Ah bah c'est une bonne idée, ouais. À 1h30 du mat, c'est mieux vaut tard que jamais. Hein. Salut Claude. Ciao. Ciao à toi. Bon bah Thomas, bah, merci d'avoir appelé quand même. Hein. Attends, mais du coup il m'a baisé la gueule en fait. Voilà, exactement. Ouais, tu as bien compris. Alors que j'étais là, prêt à donner un vrai conseil, et bah non. Non mais ça arrive même au meilleur, t'inquiète pas Thomas. Je peux faire une dédicace? Allez vas-y, ouais, une seule personne, choisis la bonne. Je fais une dédicace à Tony, un ami de Caen. Très bien, et eh ben le message est passé. Salut Thomas. Demain? Salut. De Caen, de demain. À bientôt. Attends Mika. Ouais Thomas. Ouais, c'était pour demander, il y a moyen de faire un polo contre le reste du monde? Bah bien sûr, on fait ça dans une douleur moyen. Bah oui, je te repasse Sandro, tu lui dis et puis on te rappelle tout à l'heure. Ok, ça marche. Très bien. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez faire polo contre le reste du monde tout à l'heure, cette grande émission qui dure 5 minutes, hein, et c'est déjà bien payé. Hein, c'est ça. Si vous voulez une émission de conseils, si vous avez besoin de conseils, besoin d'écoute, besoin d'amitié, besoin d'amour. Voilà, besoin d'amour. Je ne reçois pas le salaire. Ah bon, bah écoute, c'est bizarre. Besoin d'amour, eh bien appelez-nous. 01 42 48 5000 pour la Belgique. 02 851 4x0. Polo against the rest of the world. C'est dans 30 minutes sur Fun Radio. On va récupérer Léna maintenant. On va se faire encore d'autres appels avec Toff dans quelques instants. Léna, est-ce que tu es de retour? Oui, je suis là. Très bien. Il y a Stéphane avec nous là de Lunéville en Meurthe-et-Moselle, pas loin de chez toi. Ça va Stéphane? Oui, et toi? Bah très c'est bien ça. Stéphane. Alors, toi tu voulais réagir à Léna, toi? Oui. Bon, oui. Alors, oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par à Léna? Oui, bah, que je pratique la sodomie, que ma femme pratique la sodomie. Oui, donc vous pratiquez la sodomie. Donc pratique la sodomie. Voilà. Le verbe sodomiser. Ok, et alors comment c'est venu? C'est toi qui as demandé, c'est elle qui voulait, et dis-moi. C'est les deux qui ont voulu. D'accord. Donc, c'est marrant parce que comme tu dis c'est les deux qui ont voulu, on a l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre. Comment? Comme tu dis c'est les deux qui ont voulu, on a l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre. Non, c'est ma femme et moi qui avons voulu en même temps. Donc, d'accord. Donc du coup vous êtes mis un doigt mutuellement, comme ça? Voilà. Très bien. Et vous avez aimé? Bah ça fait drôle au début, donc c'est pour ça que je réagis un peu au conseil à chaud. De Léna. C'est chaud au début. Hein. Ah ouais. Oui, ça, oui, c'est à chaud, quoi. D'accord, ok. Et alors, du coup, bah, qu'est-ce que tu voulais donner comme, comme conseil, Elena? Ou comme avis, bah, en tout cas? Qu'elle se prépare bien mutuellement. Mutuellement. J'ai pas compris. Qu'elle se prépare bien mutuellement. Oui. C'est, bah, c'est un coup de lubrifiant. Voilà, qu'elle, qu'elle mette un bon coup de lubrifiant quand même au niveau quand elle va le faire. Oui. Mais parce que le problème, Léna, tu me dis si tu m'arrêtes si je me trompe, mais le problème c'est pas de le faire en soi, tu sais comment préparer, etc. Pardon ? Je dis le problème n'est pas en soi de préparer, tu sais comment faire. Bah écoutez, ça fait un peu 6 mois que je pratique, j'ai voilà. Pas le choix que de savoir. Donc non mais je précise par rapport à Stéphane. Donc oui, c'est pas la préparation le souci, c'est juste que lui il veut plus qu'elle limite. Voilà, mais plus qu'elle se faire enculer, pas la sodomiser hein. Voilà. Ah d'accord. Mais par rapport à ce qu'il disait justement, je l'aurais voulu savoir si c'est pas par rapport enfin il a pas kiffé ça par rapport à un traumatisme ou je sais pas parce que il est parti 2 jours à l'armée. Une nuit. Et il a joué à la savonnette. Et c'est parti de là, je pense, en fait. Ah. Et je me suis demandé, c'est pas par rapport à ton pratique, ou... Non, mais tu te fous de nous, là. Attends, genre, tu vas... Le mec, il va à l'armée, et 2 jours, et puis après, il aime bien se faire enculer. T'es sérieux, hein? Et attends, imagine s'il avait été en prison. Ça, ou en rugby. Non, mais t'imagines, ouais. Ou tout. Il aurait fait du rugby en prison. Alors là. Voilà. Ça peut être énorme. Attends, on va quand même demander l'avis de Romain, qui est avec nous, là, de Poissy dans les Yvelines. Salut, Romain. Ouais, salut Mickaël, salut l'équipe. Comment ça va ? Salut Poissy. Ça va bien et vous ? Ça va bien, très très bien Romain. Tu voulais donner ton avis par rapport à Léna, toi ? Ben ouais, en fait, moi je comprends un peu son problème parce que moi aussi, avec ma copine, on pratique. Moi j'aime bien qu'elle chauffe une banane en fait et qu'elle me mette dans les fesses pour rester poli. Ton cul, toi, ta mère, ta grand-mère. Pardon ? Non rien, c'est notre ami Corse. Et puis ? Et puis, puis voilà quoi, moi j'aime beaucoup ça aussi, mais du coup... T'es sérieux, arrête stop. Et la meuf, elle va te laver dans le cul. Ouais, bah ouais. Pourquoi elle la chauffe avant? Bah parce que... C'est pour ça que c'est mieux. Parce que ouais, si c'est froid, ça c'est mort, ça marche pas, tu vois, quand c'est chaud, après au bout de 2-3 coups, ça va nickel. Ça va vraiment nickel. Ça passe crème. Ouais, ça passe crème, exactement. Et du coup, faut qu'elle apprenne à partager un peu le temps, en fait, je pense, tu vois, c'est ça, c'est un peu chacun son tour, tu vois. Il faut que lui se cale sur elle et tout ça, il faut faire ça bien pour que ça se passe bien. Mais t'as pas peur que la banane, c'est la peau de la banane, c'est ça c'est que la banane explose. Et que la banane te reste dans le cul. Mais non, on met une capote quand même. Ah bah oui, c'est vrai, tu peux pas attraper une maladie de la banane. Bah on non, sait jamais, hein, le sida de la banane. C'est ça, ouais, c'est ton jamais. Ouais. Bah ouais, carrément. Et enfin voilà quoi, je comprends complètement ton problème, hein, mais voilà, je voulais juste participer un peu à la discussion. Non mais t'as bien fait, on va prendre Laura également. Oh, Laura de Bruxelles, 41 ans, ça va Laura? Ça va, bonsoir Mickaël. Très bien. Salut, Laura. Alors Laura, ça faisait longtemps qu'on avait plus eu Laura là. Mais oui, hein. Ah bah dis donc, alors qu'est-ce que tu deviens? Mais elle boit. Ah bah très bien. Ah bah écoute, tant mieux Laura. Bon alors Laura, tu voulais participer à ce grand débat de la sodomie que Léna a lancé? Oui, moi je l'ai fait à mon mari, la première fois. Avec ou sans la bouteille? Sans la bouteille. Ah sans la bouteille, d'accord. Non parce que l'autre il mettait des bananes, donc c'est pour ça que je... Elle a trouvé lui drôle, hein. Comment? C'est moi qui l'ai demandé. Oui. Lui il a trouvé drôle, c'est moi qui l'ai demandé. Mais c'est toi qui a demandé à le sodomiser? Ouais. Ah oui, effectivement, je comprends. Viens là, chérie, je vais te mettre un gros doigt. Voilà. Et alors? Depuis alors, il me demande à chaque fois. Ah bon? Ah oui. Ouais. Mais toi, il leur demande. Mais toi, tu pratiques aussi? Non. Toi, t'aimes pas. Mais par contre, tu aimes bien lui mettre des petites cartouches. Voilà. Et du coup, tu mets quoi? Tu mets un god ceinture? Non, je mets trois. Ah, trois doigts. Trois doigts. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, ouais. Ah, il a, c'est un trou de balle, hein. Et encore, Polo, il est des plus gros doigts que moi, hein. Ah ouais, c'est quand même balèze. Mais non, parfois, il me dit, il ne le fait plus parce qu'il a peur. Ah bah oui. Il a peur de quoi? Elle a peur. Trois doigts. Qu'elle essaye de mettre un quatrième. Mais non, il a peur, s'il va devenir un... Gay. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas parce que t'aimes bien la sodomie que c'est obligatoirement gay. Genre, il aime bien qu'effectivement, comme on disait par rapport à la prostate, ça n'a rien à voir, enfin, tu vois. Trois doigts, c'est pas que la prostate qui lui masse, c'est l'estomac. Elle va juste au fond, là. Hey, t'as pas essayé de le fister carrément? Non, mais allons-y. Non, ah bah ouais. Mais c'est pas ça qu'il a peur, hein, c'est qu'elle essaie de mettre tout le point un jour. Si je peux te recommander la fistinière, tu peux apprendre plein de trucs, bah tu regardes sur internet, sur YouTube. Partez en vacances, c'est pas, vous faites un week-end, c'est pas très cher, c'est 90 euros avec le petit déj. Ah bah voilà, et la chapelle fistine, accessoires compris. Il y a une boule, ils se mettent des boules de pétanque. Ouais, ouais, ouais, enfin bon, n'allons pas jusque là, c'est pas très grave. Bon, et donc du coup, Léna, tant que t'as fait, là, Laura est une spécialiste et apparemment elle aime bien le faire à son mec aime bien, bref, la folie totale. Léna, si t'as une idée, n'hésite pas, hein. Une question, tout ça. Fonce, Léna. C'est bon. Non, défonce. Non, Léna. Oui. Bon, t'as une question éventuellement à poser à Laura ou pas, vu qu'elle est spécialiste dans le domaine? Bah non, pas vraiment, mais on dit souvent que le point G des garçons se trouve dans le cul, bah. Oui. Non, moi c'est mon lobe d'oreille, donc ça peut pas. Non, oui, oui, non, mais c'est vrai, il paraît. Non, mais le problème de Léa, c'est pas de sodomiser, c'est que le mec veut plus qu'elle, c'est ça. Oui. C'est ça. Ouais. Bah, moi je dirais que c'est pas parce qu'on est au régime qu'on a pas le droit de dire le menu, mais alors. Tout à fait. Non, mais voilà, mais après, écoute, si toi ça te pose pas de problème, bah vas-y, hein. Et si lui kiffe, bah qu'il se dit allez-y aussi, faites-vous plaisir, hein, c'est pas un problème. Voilà, tout à fait. Bah voilà, bah écoute, Léna, bah bonne sodomie alors. Hein. Vous allez vous faire enculer ce soir ou pas? Enculer ce soir? Eh, mais pour eux. Attends, j'ai pas eu ma réponse. Léna? Oui? Vous allez vous faire enculer ou pas ce soir? Bah oui, mais il veut commencer apparemment. Oui, ah bah comme d'habitude. Hein. Léna, j'ai une question. Tu as un truc pour eux, t'achètes pas un double god? Comme ça, vous mettez. Un double dong. Offert par. Passage du désir.fr. Évidemment. Vous le mettez mutuellement et puis voilà, vous avez chacun votre temps de. Et comme ça, vous regardez la télé chacun de votre côté. Pas bête, je pense. Pourquoi pas? Alors attends deux secondes, il y a Elora, 18 ans de Bruxelles également, qui vient de débarquer là. Elora, pour finir. Ouais, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. T'es en forme, Elora? Ouais, ça va. Bon, ça va. Alors tu voulais réagir à Léna, toi, par rapport à la sodomie, là. T'as déjà pratiqué? T'aimes bien? T'aimes pas? Ah non, moi j'ai jamais pratiqué, je comprends pas ça. Hein. Pourquoi? Ah, parce que je sais pas, quitte à se mettre un balai dans le cul, moi je préfère faire l'amour tranquille, tu vois. Bah ouais. Non, mais d'accord, mais après c'est pas pareil. Par exemple, pour un mec, c'est vrai que c'est plus sympa parce que c'est plus serré. Maintenant, après, pour une fille, je sais pas trop la sensation. Est-ce que. Il y en a qui aiment bien, visiblement, là, comme Léna, mais. Parce que. Léna? Oui? Parce que ça a fait mal quand même au début là, non? Parce que c'est pas prévu à cet effet à la base. Mais il y a une première fois à tout, alors non, oui, bien sûr. La boîte à Benko, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour faire caca. Hein. Ouais, mais enfin bon, il y en a qui chient des merdes plus larges que des bites. Hein. Ouais, merci Toff. Hop, une minute. Ça fait mal, mais après, voilà, qui fait une petite pucelle, enfin, qui voilà, qui n'essaye rien, enfin voilà, après. Tester pour aimer, quoi. Oui, ça je dis pas le contraire. Hein. Je dis pas. Mais après, t'as le droit aussi, Elora, de pas vouloir, de pas avoir envie, tu vois. C'est pas parce que t'as pas essayé que t'as que tu passes obligatoirement à côté d'un truc. Hein. Donc toi, tu peux pas comprendre. Bah écoute, c'est toi, viens en tout cas, Elora. Mais c'est comme les PD. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi ton problème, Elora? De quoi? Mon père, il est PD. Mais je comprends pas pourquoi il ramasse des bides dans le cul, tu vois. Attends. Ton père, il est homosexuel? Mais ouais. Hein. Mais attends, mais c'est depuis quand? Depuis, je crois, au moins 7 ans, mais il l'a cassé au début, mais après, j'ai trouvé des trucs sur son ordi et tout. Oh, d'accord, ok. Bah, et alors, c'est pas très grave si c'est son kiff? Si, c'est grave, c'est lui qui m'a fait, hein. Non, j'ai compris, mais bon, non, mais après, je dis pas que c'est pas grave, parce que toi, t'es sa propre fille, donc je peux comprendre. Ouais. Mais dans l'absolu, c'est pas très grave s'il est content comme ça. Ah, mais moi, je suis partie, hein. Non, mais ça va pas fort, mais. Mais t'es partie où? Ah, moi, je suis partie vivre un appartement, Mais c'est je bien, pas mais. Vivre ça, je pouvais pas vivre ça. Et quoi, tu parles plus à ton père? Non, non. Mais c'est ah, cool. Il a ramené un mec et tout? Ouais. Ah, tout ça pour une bite. Mais non, mais ça reste ton père, Elora, là. Mais pourquoi non, tu ça reste plus pas mon père, hein, ça c'est pas. Mon mais père, si. C'est une tapette, c'est une pédale. Et alors, Elora, mais quel est le problème? S'il est content comme ça, s'il est heureux comme ça. Bah ouais, respecte. Tu préfères avoir ton père hétéro, malheureux, parce qu'il. Avec ta mère, souviens-toi. Non, mais parce qu'il sera malheureux, tout simplement, parce qu'il pourra pas vivre comme il l'entend. Non, il sera pas malheureux. Mais si. C'est et comme si toi. Attendez les gars, vous savez pas faire un coucou à Nathan en deux secondes. Non, mais Elora, on parle de ton daron là. Elora, c'est comme si toi on te forçait à être Gwyn. Hein? Tu seras malheureuse si on te forçait à être Gwyn. Non, ah si, c'est pareil. Bah, si, Gwyn. Non mais c'est ce que je viens de te dire. Si on te forçait à être Gwyn, tu serais malheureux. Alors comprends ton père, si on le forçait à être hétéro, il serait malheureux aussi. Il a essayé en plus. Truc, Eh bah, oui, mais voilà, Elora, alors pourquoi tu juges ton père? Mais c'est mon père, tu vois. Et alors? Sans lui, moi je serais pas. Bah justement, rien que pour ça, tu dois le respecter. Voilà. Et il fait ce qu'il veut de son fion. Ouais, bon, pas devant moi et pas que je le sache, non, quoi. Non, mais ça, pas devant toi, bien sûr, ça, ouais, pourquoi pas, ça, je peux concevoir. Mais quand il fait installer son mec à la maison, ça, oui, mais ça t'empêche pas de continuer ami, à le voir. C'est un ami qui... Mais non, mais non, c'est pas un ami, non. Mais ça t'empêche pas de continuer à le voir, ne fût-ce que pour aller bouffer avec lui à midi, toi, juste à vous deux. Non. Enfin, après, tu fais comme tu veux, mais je trouve ça dommage, quoi. Non, c'est pas possible. Ah, mais si, mais moi je suis que je trouve ça dommage, c'est tout. Et que la prochaine fois que tu verras ton père, souviens-toi qu'il est à quatre pattes avec l'autre derrière. Putain, Ouais, qui me parle? Ah oui, c'est Soutif. C'est Soutif là. Ouais, Soutif. C'est Soutif, c'est pareil. Je vais lui dire que. Comment dire que. Vu que moi je suis un anus dilaté, et bah, comment l'expliquer? Et. Je lui souhaite la bienvenue à son père au club des culs cassés, tu vois. Voilà, très bien. Si veut, je me le fais avec. Mais non, j'ai déjà dégoûté là. Écoutez, je m'en vais, je rends ma plaque. Je me regarde Bruxelles. Très bien. Bon, en plus, ouais, non, c'est Bruxelles, c'est pas trop loin, 300 bornes, ça va. Bon, bah, Léna et Laura, là, gros bisous à vous, et puis vous revenez quand vous voulez, hein. Salut, ouais, Soutif, ouais, aussi. Salut. Allez, ciao à vous, il y aura dans quelques minutes. Salut Stéphane également qui était là, et salut Laura également. Ouais, salut. À bientôt, salut ouais. Steph. Ciao à vous, et puis vous revenez quand vous voulez également tous les deux, on aura Jérôme dans quelques minutes. Geoffrey qui voulait parler des poils, on a un peu traîné avec lui, mais on va le reprendre dans quelques instants, promis. Et on fera les derniers appels avec Toff également dans quelques secondes, là, justement, ça tombe bien. Hop là, il peut revenir. Ah voilà. Derniers appels donc par rapport à Cameron Diaz et les poils autour du pubis. Bah si je peux, oui. Eh bah oui, bah si tu dis pas de la merde, tu peux, y'a pas de problème. J'ai pas dit de la merde. Mais si. On va s'écouler Dero maintenant version remix par Miko C 5 Hours. Il est 1h40, bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël No Limit. On est là, il y a Nadia le Prince qui dit quand je pense que j'ai acheté des bananes et cet après-midi pour les manger, mais tu fais ce que tu veux. Sur Fun Radio 5 Hours. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon t'as la bardée. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et en direct, évidemment, 1h43, on fait les derniers appels de Toff dans quelques secondes. Il y a le bœuf ferry qui dit, à mon avis, Toff doit chier des barres de chocolat aux céréales Lyon, vu le cul pourri qu'il a. Clément également, là, je pense pas qu'il y avait tant de mecs qui aimaient se faire enculer mon trou de sort. Qui restera toujours un trou de sortie. Sabrina également là qui a envoyé son message. Carrément la banane, la maladie de la banane. Et Valou également là. Bon, eh bien, je vais poser les bananes que je mangeais. Dommage, c'était mon seul repas de la journée. Non mais Valou, t'inquiète. Continue à manger ta banane. Ils ont mis des capotes, y a pas de soucis. Bah oui, en plus, ouais. Oh mon dieu, j'ai éclaté de rire avec le coup de la banane. Et Agathe qui dit, pour une question de principe, si tu sors avec une meuf, c'est que tu l'aimes, et si tu l'aimes, tu ne la trompes pas. Ah oui, c'était tout à l'heure par rapport au fait de tromper ou pas, ouais. Et alors, il y a un message aussi qui est arrivé. Pauline, ne trompez pas vos copines, vous aurez largement le temps de faire plein d'expériences plus tard si jamais ça n'était pas les bonnes, par exemple. Et alors un message aussi qui est arrivé, où est-ce qu'ils sont celui-là? Et Adilek qui dit, les poils protègent des agressions sur la peau, j'étudie ça en ce moment. Ah, bah nous voilà informés et rassurés, Dilek. Bon, on en parlait parce que Cameron Diaz donc a dit, si les filles ont des vagins autour, un vagin autour du pipi. Des poils autour du pipi, autour du vagin, donc c'est qu'il y a une raison. Et donc du coup, bah, nous on voulait savoir si vous les rasiez ou pas. Bah, surtout comment font les gens à la maison. Exactement. Donc grâce au numéro que vous nous avez envoyé et que vous avez envoyé toute la soirée hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, eh bien on continue à appeler. C'est parti, on leur pose la question du coup à ces gens très sympathiques. Tu sors de queue. Voilà, par exemple. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Également. Allons nous tomber sur quelqu'un d'aussi sympathique. Déjà, si ça décroche. Oh, il est que. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme gardait ses poils, monsieur. Du cul, monsieur. Ah, seulement du cul, mais devant, non. Non, non, madame. Bah, je sais pas, mais c'est vous qui me le dites. À vous de me le dire, monsieur. Non, non, du cul. Oui, donc elle garde les poils de cul, mais pas les poils de. Mais pas les poils de chatte. Non, non, non, non, la chatte, elle la bouffe. Ah, la chatte, elle la bouffe. Ah oui, oui. D'accord. Ah, je pensais que c'était vous, ça. Non, non, non, non, c'est le chat. Ah, le chat. Oui. Le chat lui bouffe les poils de chatte. Oui. Ah avec oui. Avec le renard. Eh, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et la tortue dans tout ça. Pour du cul. Ah bah non, monsieur. Si, si. Ah non, c'est pas gentil, ça, monsieur. Si, si, c'est très gentil. Ah bah non, attendez, moi, je vous appelle gentiment pour vous poser une question et puis vous me dites trou du cul. Bah oui. Ah bah non. Trou du cul quand même. Ah non, monsieur, non, je peux pas vous laisser dire ça. Ah bah si. Ah non. Attendez, en plus, moi je vous appelais en masqué, alors. Mais oui, mais c'est parce que c'est bloqué, mais si vous voulez, je vous donne mon numéro, monsieur. Oui, trou du cul. D'accord, alors donc c'est le 01. Oui. 42. Ah non, j'aime pas les Parisiens, hein. Je veux pas noter le numéro. Ah bah oui, mais va vous. Bah vous voulez mon numéro. C'est, ouais. C'est un jeu, monsieur, vous devez placer le plus de trous du cul possible. Oui, c'est ça. Ah d'accord. Non bah d'accord, alors comme ça d'accord. Voilà. Bon, et eh ben une bonne soirée, monsieur. Fais des couilles, va. Connard. Oh bah enfin, monsieur. Quoi, monsieur? Bah vous êtes quand même très vulgaire. Oui, madame. Moi je suis monsieur. Madame. Eh ben moi je suis madame. D'accord. Vous avez une voix très pour madame, hein. Oui, j'ai mué. Ah bah oui, oui. Vous avez pris des hormones peut-être. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. C'est un trou du cul. Non, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Oui, moi de même. Hein? Voilà. Trou du cul, bah. Oui, bah, j'ai compris maintenant. Hein. À bah force. Oui. Voilà. Allez, au revoir, monsieur. Hein. Trop du cul. Trop du cul, bah. Il est pas mal, lui. Trop fort sur la discussion, là. Mort de rire des ouf, les gars. C'est Raph qui avait envoyé le message. Bah merci Raph, il y a Thomas également. Mais attends, c'est quoi? Mais est-ce que les gamines ou moins gamines qui se rasent le sexe avant savent que cette mode ridicule vient des films porno depuis les années 90 où les sexes sont rasés pour pouvoir faire des gros plans de pénétration? Bah écoute, je sais pas Thomas, mais moi personnellement je préfère quand c'est rasé. Peu importe d'où ça vient ou quoi que ce soit, moi je préfère quand il n'y a rien. Ou quand c'est court, ou quand c'est très court. Oui. Mais j'aime pas. Ah, putain, quand t'as des longs poils et tout, c'est dégueulasse. Hein. Y a Noah aussi, il t'offre le connard, le bâtard, le nick pute. Oh, ah, sympa le nick. C'était pute. Mignon. Ah oui, Noah, c'est bien trouvé, tiens. Et Jojo qui dit tout se sait sur les réseaux sociaux car on raconte nos vies et qu'on devrait pas le faire, mais on le fait quand même. Oui, effectivement, oui. Et puis Nadia aussi, qui dit pas de poils au niveau du vagin, c'est plus hygiénique, je pense. Bah, hygiénique, je crois pas, parce qu'à partir du moment où tu te prends tes douches et que tu te laves, y a pas de problème. C'est juste que, voilà, c'est moins agréable. En tout cas, pour en ce qui me concerne. Bon, on va prendre Geoffrey justement pour terminer sur les poils là, de Douche et les Mines dans le Nord. Salut Geoffrey. Salut Mickaël. Comment ça va? Salut toute l'équipe. Bah je vais bien, mais tout va bien. J'ai un peu froid là. Bah qu'est-ce qui t'arrive, t'es dehors? En fait j'ai pas voulu réveiller mes parents. Et puis en fait bah, vu que ma chambre est juste à côté et que les murs sont pas très épais, mon jardin qui est assez grand, je suis au bout du jardin là. Tu es dehors, mais attends, mais juste, ça fait combien de temps que t'es dehors? Presque une demi-heure. Merde, mais t'auras dû nous dire, Geoffrey. Encore t'as de la chance, non, là, il fait pas trop froid. C'est pas grave. C'est rien, là, je suis. Je serai prêt à tout pour vous. Oh, c'est gentil, Geoffrey. Mais... Demain, on aura un mec qui sera mort d'une pneumonie. Non, mais surtout que demain, il va pas aller en cours. Ah, bah oui. Il sera malade. Si, je me réveille à 6h30. Ouais, mais t'inquiète pas, tu vas être malade ici demain, hein. Non, je pense pas. Aujourd'hui, c'était la réunion parents-prof. Faut que j'assure troisième trimestre. Ah, t'as fait des notes de merde? Non. Pas t'as de fait, merde. T'as fait de la merde? Non, bah j'ai. Alors j'ai 11,5 de moyenne, non, 11,77. Ouais, enfin c'est pas la folie non plus, hein. Ouais. Ouais, mais c'est voilà. Plus que la moitié déjà. Non, c'est bien, mais c'est pas la folie. Ouais, parce c'est bien, mais c'est passé. Voilà, c'est t'es en quelle classe? Troisième. Ouais, c'est pas la folie, hein. Non, va falloir faire mieux là, sinon. Voilà, un petit coup, hein. Ouais. Ah bah ouais. Pas de soucis. Bon, alors ouais. Toi tu voulais réagir par rapport au poil? Voilà, exactement. Bah, en fait, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à quoi ça sert les poils dans le cul. Oui. C'est moi, de ma part, c'est ce que j'ai entendu sur Love in Fun. Ouais. Donc, il a dit, ça, quand on en sueur, en fait, ça protège des irritations. Enfin, bah, c'est Sidoc a dit. Ah, Sidoc a dit alors. Ouais, alors. Enfin, le doc, il l'a dit pour en dessous des bras, pour les poils en dessous des bras. Mais bon, vu qu'il y en a aussi au cul, c'est peut-être le même, je pense. Et donc, ça protège contre quoi, tu dis? Les irritations à cause de la peau qui frotte, en fait. Quand on marche. Ah, voilà. Pourquoi pas? Non, j'aime bien cette explication, moi. Non, mais ça se tient, hein. Donc, ce serait pour éviter que tes deux fesses soient irritées. Voilà, puis pareil pour en dessous des bras. Mais alors, au niveau de la bite, alors? Ah voilà, j'ai posé la question au niveau de la bite. Parce que là, au niveau du vagin, t'as une explication, ça peut être pour protéger de tout n'importe quoi. Mais au niveau de la bite, sachant que la bite est plus longue que les poils, enfin j'espère pour vous, à quoi servent les poils autour de la bite? Parce que là, il n'y a aucune explication pour le coup. La tenir au chaud. Bah non, parce que justement, tes couilles, elles aiment bien être au frais. Au frais. Ça dépend. Non, c'est pour garder les morpions au chaud, vous avez rien compris. Hein, peut-être, ouais. Faudrait méditer sur le sujet. Écoute, je demanderai au doc demain. Voilà, on lui pose la question. Voilà, pourquoi pas. Voilà, ouais, écoute, ça paraît pas mal, parce que effectivement ton explication n'est pas mauvaise, mais du coup, au niveau de la bite, je ne vois pas à quoi serviraient les poils. Moi non plus, bon, faut demander au doc. Hein. Ouais, ou demande demain à ton prof. Je sais pas. Quoi, t'as pas? Non, j'ai dit je sais pas. Ah bah moi je te le dis, demande, comme ça tu poses la question et puis enregistre hein, quand tu demandes. Hein. Ouais, je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises. Ouais, parce que, et comme ça on passera l'extrait demain. Ça peut être un bon plan. Ça. Bon, bah tu nous tiens au courant ? J'essaierai. Et nous aussi, du coup, hein, on va se renseigner de notre côté, alors, du coup. Bah, ouais, merci beaucoup, voilà. Gaëtan, en tout cas. Ouais, Geoffrey, bonjour, Gaëtan. Gaëtan, c'est tout à l'heure. Oui, Geoffrey. Ouais, j'ai. Est-ce que je pourrais sortir de vanne ? Eh bah, essaye toujours. Alors, en fait, c'est. Trois ados, ils partent dans la forêt, ils se séparent tous les trois. Le premier revient, il dit les gars, je me suis suicidé pour 1 euro. Le deuxième, il revient, il fait les gars, je me suis suicidé pour 1 euro. Et le troisième, il revient, il fait les gars, j'ai gagné 2 euros. Il est content. Et attention, la deuxième. Et la dernière, c'est une vieille qui paye un jeune pour baiser. Et à la fin le jeune en fait, il dit à la vieille, au début c'était assez dur, mais après ça passait tout seul. Et puis la vieille, elle dit normal. Après la croûte, c'est le cul. Oh. Voilà. Bon. Oh là là là. Eh ben merci Geoffrey. Ouais, merci. Bon, je peux et lui, on le vire pas de l'antenne, tout non. ça Mais non, mais lui, il peut, y'a pas de problème. Bon, allez, vas-y, y'a une seule personne, Geoffrey, vas-y, vas-y. Une seule personne, ouais, pas de problème. Ben, dédicace à ma mère qui est en train de dormir et que j'ai jamais couillé comme ça. Très bien. Bravo. Ça roule, elle sera contente en moi. Salut Geoffrey, ciao à toi. Allez, ciao. Allez, à bientôt, bye bye. Bon, alors, il y a Jérôme qui est avec nous de Montluçon dans l'Allier. Ça va, Jérôme? Salut. T'es en forme? Ouais, pec. Bon, très bien. Alors, on va parler de quoi, à mon avis, plutôt demain. Parce que vu l'heure qu'il est là, tu voulais qu'on fasse quoi avec toi ce soir? Ben, je voulais, parce que j'ai une copine, j'ai rencontré hier matin. Et voilà, je voulais savoir si ça va durer avec elle, quoi. Donc, enfin, je suis pas voyant en même temps. Hein. Écoute, on va regarder dans nos boules et on va te donner la réponse. Non, mais comment ça, tu veux savoir si ça va durer? Tu veux lui demander? Je l'ai appelé avant que je vous appelle. Ouais. Et je lui ai dit que je l'appellerai en masqué tout à l'heure. Ouais. D'accord. Alors, donne-moi sa date de naissance. Comment? Donne-moi sa date de naissance. Non, mais attends. 6. Oui. Août. Oui. 1983. Oui, très bien. D'accord. Alors son prénom? Evelyne. Sérieux ça? Elle s'appelle Evelyne? Ouais, Evelyne, elle s'appelle. Ah, d'accord. Elle s'appelle. Mais attends, deux secondes, Jérôme. Je vois que vous êtes rencontrés il y a pas longtemps, non? Oui, hier matin. Ouais, je l'avais tout de suite senti, hein. c'est une relation récente. Oui, ça c'est clair. Ouais, ouais. Par contre, je sais pas si ça va durer, hein. Franchement. Ah non, bon? Non, ouais, je crois qu'il va falloir que tu fasses beaucoup d'efforts si tu veux que ça dure. Ah bah oui, de mon côté, j'en fais bien et. D'un côté, elle s'en fait plein aussi, donc. Mais ouais, c'est ça. Il y a un truc que je vois également. Apparemment, elle n'est pas super ouverte à de la relation en longue durée. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est sûr, parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Ouais, je l'avais vu direct. Je l'avais vu direct qu'elle avait eu des relations difficiles avant. Elle a l'air de travailler beaucoup. Oui. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, elle se concentre énormément sur son travail. Je pense que ça passe avant tout. Bah oui, je m'en doute aussi, hein. Bah ouais, non, mais c'est ça. D'ici 3 mois, d'ici 3-4 mois, est-ce qu'elle va partir en vacances ou pas? Je sens des vacances. Moi, oui, je pars en vacances. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais, bah Polo l'avait sorti direct. Ouais, je le sens, mais c'est... Et à l'extérieur de la France. Je vous kiffe, hein. Je vous kiffe, je vous écoute tous les soirs. Bah nous aussi, on t'écoute tous les soirs, Jérôme. Non, mais c'est gentil. Ah ouais, mais... Non, mais bien sûr. Non, mais sérieusement, attends. Bon, si tu veux, on l'appelle demain. Ouais, parce comme que ça il est plus tôt parce que là en plus il est 2h du mat et tout là, il sera peut-être en train de dormir. Bon bah très bien, bon on fait ça demain Jérôme. Hey, Mickaël. Ouais. Tu peux passer une dédicace? Bon bah alors vas-y, il y a une seule personne, on t'écoute. Alors je passe une dédicace à ma copine que j'aime très fort et que je l'embrasse beaucoup. D'accord, ok. Eh bah très bien, de toute façon on l'appellera demain soir, ok? Ouais, et tu me rappelles demain soir aussi? Ah ouais, bah bien sûr. Bah on va finir ton thème et comme ça on donnera toutes les infos demain. On va pas l'appeler tout seul, hein, t'inquiète. Hein. On te rappelle demain aussi, Jérôme, je te repasse 100 euros. Ok. Salut, bonne nuit, Jérôme. Ciao les gars, salut. Allez. Bonne nuit à vous aussi. Ciao à toi, Jérôme, merci de passer là. Bon allez, bougez pas, il y a Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Ouais. Vos messages en direct et puis si vous voulez également un petit thème, un peu de voyance, on est là tous les soirs aussi. Disponible, hein. C'est pas voilà, un problème. C'est ça. Vous nous appelez, n'hésitez pas, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Vous avez remarqué, on n'est pas mauvais, hein. Ouais. Dans la voyance. Hein, Escroquerie FM, bienvenue. On va d'ailleurs ouvrir une nouvelle ligne à 0899 pour que vous puissiez nous appeler. 20 euros la minute. Voilà, c'est ça, pour vos thèmes. Allez, c'est Pharrell Williams avant Polo contre le reste du monde. C'est Marilyn Monroe maintenant sur Fun. Bonne nuit tout le monde. This one goes out to all the lovers. Allez, bienvenue, c'était Pharrell Williams, Marilyn Monroe sur Fun. 23h, 2h. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et on est là jusqu'à 2h, bah 30 secondes dans l'absolu, hein, il reste là, mais on fera un peu de rap. Comme on l'avait, il y a Jay Lapointe qui dit salut l'équipe. Mickaël, les poils sur le pénis servent de roulement à billes lors de la pénétration. Ah, de roulement à billes. Alors, est-ce que tu peux préciser, j'ai eu la pointe. Il y a Nova également, vraiment énorme cette soirée, des bonnes barres. Bah merci Nova, c'était le but en même temps. Et Kevin qui dit salut, c'est juste pour vous dire que même tout à l'heure, avec le tremblement de terre à Barcelonnette et dans la région d'ailleurs. Salut l'équipe, je voudrais un message de bienvenue aussi. Moi c'est Dupelours, d'accord. Tu sors de queue. Voilà. Et Andrea qui dit salut les habitués, c'est ma dernière semaine d'écoute et après je pars au Vietnam pendant 12 jours. J'aime Lydie, Sophie, Déborah, bonsoir à vous, puis ceux qui me reconnaissent. Mais tu sais que même au Vietnam, tu peux nous écouter, c'est internet. Oui, hein. Oui. N'hésite pas sur l'application, sur fanradio.fr, etc. Et Jordan qui dit pas d'affolement pour le tremblement de terre, j'ai juste fait tomber mon Nokia par terre. Oh. Il est con lui. Allez, 2h du mat sur Fun Radio, l'heure du crime, l'heure du drame, l'heure de Polo against the rest of the world. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde va bien. On va commencer maintenant avec Farida, je t'écoute. Oui, allô Polo. Oui, je t'écoute Farida. Oui, bonsoir Polo. Voilà, je me permets d'appeler parce que j'aimerais bien aller me coucher. J'ai envoyé un mail à l'équipe. Ouais. Alors, est-ce que j'ai pas eu de réponse? Est-ce que tu pourrais dire à Sandra qu'elle dise à Mickaël que j'ai besoin d'avoir le tableau des dotations pour la semaine parce que je l'ai pas reçu. Ouais. Et j'ai besoin de faire passer ça au niveau du service cadeau. Voilà. Ok Farida, on s'en occupe. Marvin. Ouais, salut Polo. Salut Marvin. Comment tu vas? C'est le roi de la vanne? Oui. Fais attention à toi. Les messages de bienvenue. Oh, je te brise les os et je t'encule au passage. Petit, d'accord. Petit fils d'enculé. Trop pédé que tu es. Maltringue que tu es. Il fait du live, des messages. Allô? Allô, oui. C'est fini? Petit connard. Bâtard que tu es. Maltringue que tu es. Et j'en ai d'autres. Continue, vas-y. Après. Vas-y, vas-y, après, ok. Thomas. Oui, mon beau Polo, comment salut, vas-tu? Salut, bien et toi? Ah, ça va, ça donc va. Qu'est-ce que tu veux? Arrête d'être mou, vas-y, bouge-toi un peu là. Oh, t'es trop mou, rigole bêtement en plus. Max. Polo. Quoi? Polo. Qu'est-ce que tu fais là? J'écoute ton émission depuis longtemps et j'ai appris à bégayer. D'accord, allez, casse-toi. Ici, on fait pas ce genre de truc. Les ça existe plus. Vous serez banni si vous faites ici. Mais ce passage du désir.fr. Oui, bonsoir Polo. Bonsoir. Alors, j'ai appris que vous vouliez vous faire sodomiser, vous faire démonter la nuque, vous faire péter la rondelle. Passage. Et bien, je suis très heureux de vous passage présenter. Passage du désir.fr, vous vous êtes trompé. Je ne veux pas me faire démonter. Non, non, non, je ne veux pas me faire démonter. Jean. Ouais, salut Polo. Salut, t'es mou ou t'es mou? Ah non, moi je suis là, je suis bien là. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux Jean? Je suis bien comme il faut là, je suis bien speed en bon, fait. Allez, continue à speeder. Farida, le retour. Oui, Polo, par ailleurs, Donut, donc la standardiste du 6-9 m'a apporté des lunettes qu'elle a retrouvées dans le studio. Ouais. Donc il faudrait passer, j'ai fait un tableau Excel pour chaque équipe, il faudrait passer, essayer les lunettes dans le bureau. Ouais. Par ailleurs, est-ce que tu aurais un gâteau? Non. D'accord, bon bah je vais demander à vous. Oui, mais j'ai pas de gâteau moi. Marvin. Oui, j'ai une bonne blague. Je m'en fous. Les messages de bienvenue, le retour. Enfant de putain, c'est de bite. Polo. Quoi? Tu aimes le sperme? Vas-y, continue. L'enfant, mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Voilà, allez hop dans ta gueule. Thomas, on a les originaux nous. Thomas. Tu suces pour un mars? Quoi? Tu suces pour un mars? Bah non. Et pour un truc. Ah, la vieille valade de balles. Eh, hey, tu fais gratuitement, Thomas. Ouais. T'es un bouffon. Passage du désir.fr, le retour, on l'écoute. Oui. Allez. Donc, je pense qu'il faut bien vous préparer la nuit. Et pour ça, j'ai un très très très joli plugin. Passage du désir. Passage. Complètement chromé avec ce petit rubis. Oui. Je ne veux pas me faire enculer en fait. Non mais j'ai bien compris que vous vouliez faire ça dans les règles de l'art. Non. Et prendre le temps de vous faire défoncer la rondelle. Et donc c'est pas du tout que je peux vous proposer ce bel objet. Je ne veux pas. Vibromasseur spécial sodomie. Passage du désir.fr, oui. Je ne veux pas en fait. Mais pourquoi? Parce que Jean. Ouais bah je suis en train de me rouler une cigarette au chocolat pistache. D'accord, Jean, tu vas te raccrocher toi-même à la gueule. Non mais chocolat si, pistache. Si si, raccroche-toi à la gueule, que... Jean. Le chocolat dur. Jean, raccroche-toi à la gueule. Bon d'accord. Allez. Bonne soirée. Allez, ciao, allez, dégage. Hop, là, il s'est raccroché tout seul. Farida. On conclut? Oui, Polo. Oui, on conclut. Est-ce que tu pourrais laisser un message à Bruno s'il peut me laisser un pain au chocolat? D'accord. Ce serait très gentil de ta part. Et ben on va faire ça, Farida. Merci pour tout. Merci beaucoup, Polo. À demain. Allez, casse-toi. Marvin! Oui. Tu reviens demain. En fait, j'ai pas envie. Pas ce soir. Parce que je t'aime bien, Marvin. Ok? Oh, c'est à demain, allez, dégage. Des passages de. Les messages de bienvenue. C'est ça, Vanessa? Je vais jouir là. Je sens la sauce dans mon slip. Oh, bon, un message de bienvenue, au revoir, à demain. Thomas! Oui. Ouais. Tu sais que je t'aime bien. Ouais, merci, bah, c'est gentil. Et j'aime bien quand tu me renvoies chier comme ça. D'accord, Thomas? Oui. T'as quelque chose à rajouter? Non. Alors fous le camp. Et pour terminer, passagedudésir.fr. Passagedudésir.fr. Eh bien, si je ne peux pas vous fournir un godmichet, peut-être cette petite vaginette fort sympathique dans laquelle vous pourrez vous introduire le pénis et vous faire jouir comme dans une vraie femme. Passage du désir. Oui. On va y aller, nous. Mais vous en prenez pas? Non, on y va, on veut pas. Ah, pourtant, il y a une réduction, là. Ouais, mais on en veut pas. Ah bon, ben, je suis déçu. Hein. Bah voilà, allez, casse-toi. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui ont écouté et merci surtout à ceux qui n'écoutent pas. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Évidemment. Ah, d'ailleurs, remercier les gens. Oui, c'est vrai, on remet le couvert demain. Hein. Ouais. Évidemment, demain à partir de 23h, pardon, on sera de retour comme d'habitude. On va faire le top tweetos dans quelques instants. On verra lequel d'entre vous a été le plus actif ce soir sur le Twitter de l'émission. Entre autres, il y a Aurore 51 qui était là aussi, qui dit jamais aucun message de moi passe à l'antenne, sniff. Bah t'as vu qu'on a lu un message, Aurore. Aurore 51, il y a Nova également qui dit ça fait pas longtemps que je vous écoute, mais je regrette pas, vous êtes énorme, dommage que ce soit si tard. Oui, c'est vrai, Nova, c'est vrai. Mais l'avantage, c'est que la nuit nous sommes libres. Et on fait ce qu'on veut, on peut dire beat. Et oui, bah oui, de toute façon, l'absolu, on peut le dire. Mais sinon, il y a le dimanche où on est là plutôt, hein, de 20h à minuit, hein, si tu veux. N'hésite pas, à 20h minuit tous les dimanches, on est là en direct sur Fun Radio. Et puis, message aussi, il y a Aurore encore qui dit franchement ça parle pour rien, surtout la meuf. Oui, mais c'est le principe de Polo contre le reste du monde, Aurore. Oui. Oh là là, bon allez, merci aussi à Uncut là qui était là ce soir, qui a bien balancé du message ce soir là pour essayer de gratter des places dans le top tuto. Il y avait Justin ou Justin, je sais pas comment on dit, ou même Justine peut-être. Il y avait Zlin également qui était là, il y avait Drakit, il y avait Julien, il y avait Camille qui vient de débarquer également là, qui nous a suivi. Il y a l'Espagnol, il y a le Titler également, il y a le Poupon, Emma qui a débarqué également ce soir, Priscilla qui était également connectée, il y avait Sonny Hashtime, il y avait Nadia bien entendu qui était connectée, et Fred 34 avec ses 25 ans, et puis bah vous, hein, y avait Jackie Toll, Jackita 4L également, Soon Soon, Jeffly, etc., etc. Merci en tout cas à tout le monde d'être venu, d'avoir débarqué sur le Twitter, sur le Facebook, à l'antenne d'ailleurs aussi ce soir. Et puis on va terminer avec le top tweetos. Quel est donc le gagnant? Quel est donc le numéro 5 actuellement? C'est Hugues, numéro 4. Hugo Réo. Ah, qui a perdu ses 4 places, hein, donc ouais, il est des premiers, c'est dommage. Numéro 3. Drakit. Numéro 2. Nadia Le Prince. Et numéro 1. Fred S34, mais qui a déjà gagné, hein. Oui, mais c'est pas grave, c'est son anniversaire. Ouais, c'est son anniversaire, allez, il pourra se faire sodomiser une deuxième fois. Voilà, on lui en met un petit deuxième offert par passagedudésir.fr. Évidemment, et avant de se quitter, eh ben c'est parti pour le générique de fin. Allez, hop là, ça marche pas, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf, te sucer, toi l'enculé. L'enculeur, ton cul, ton nom, y'a vraiment personne qui a le cul comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Tiens, y'a le sous-chef qui vient d'arriver, tu vois. Comme par hasard quand on met la chanson Les Enculés. Je vais t'enculer toi et ta putain de mère. Et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je veux? Vous allez pas voir ta mère, mais... enfant de putain, oh. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitafs, te sucer, toi l'enculé. Toi l'enculé. Oui, tous les deux. On est des voilà. les soirs comme d'habitude. Bon, 2h09 sur Fun, on va se quitter ici et puis vous ne retrouverez pas JB parce que vous comprenez, elle est tellement fragile JB qu'elle a fait un petit voyage de 2 minutes, alors du coup il faut qu'elle se repose. Elle sera de retour demain, hein, la JB. La JB sera là demain en pleine forme à 2h au taquet, hein, en pleine forme. Bon, mais bonne nuit tout le monde, rencard demain à partir de 23h sur Fun Radio. Nous aussi on sera en pleine forme pour le coup avec à chaque fois je confonds. Non, là c'est la rupture demain. Il va y avoir une rupture. Demain à partir de 23h, continue à faire passer le message. Hein, il se passe un truc le soir et c'est sur Fun Radio que ça se passe. 23h, 2h. Tous les soirs de la semaine, 20h minuit, tous les dimanches. Et puis continue à faire passer le message. Hein. Venez, rejoignez-nous Facebook, Twitter, sur YouTube, sur Instagram. Tapez MIK officiel. Bonne nuit tout le monde et à demain. Ciao. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio.